bien que tu l'auras quitté ou pas. Et je pense que c'est aussi important de rappeler que durant les perquisitions, ça a été aussi principalement visé par les flics. C'était tout le matériel militant en fait qui pouvait être présent chez les camarades. Donc après, pour eux, le matériel militant, ça allait jusqu'à de simples bouquins, des t-shirts. Oui, genre sur un damas, des trucs comme ça. Tout ça a été pris et du coup détruit. Tu vois. En gros, il y a eu pratiquement 6000 sticks détruits par la police, des centaines d'affiches, une centaine de livres. Parce qu'il y en a 50 pratiquement une centaine de livres, une dizaine de t-shirts, pulls plus ou moins militants, des tracts par dizaines, 600 badges de mon groupe, plusieurs groupes. Tout ça, ça a été détruit. Et sans compter que ça nous a pris 11 ordinateurs et portables, tous les disques durs, un drone, les appareils photo, les clés USB. Et j'oublie sûrement plein d'autres choses, mais... Ouais, en gros, c'est une opération surtout de fichage, quoi. Ils ont demandé à Facebook, aux États-Unis, de rentrer dans plusieurs Facebook sans qu'on nous en sache, pour regarder toutes les conversations, là, il y en a. Ils ont demandé à la sécurité sociale les adresses, enfin plein de trucs. Voilà, quoi, ils sont allés trop loin pour un murage, quoi. Donc voilà, ça c'est le dernier, du coup c'est en cours, et pour l'instant on n'a pas de nouvelles. Ah oui, non, on a fait tout de suite après appel du contrôle judiciaire, parce que pour nous c'était un peu trop hardcore, quoi. Et du coup l'appel a été, enfin on est passé devant et du coup ils ont refusé le maintien du contrôle judiciaire. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire, après si vous avez des questions vous direz. Après l'histoire avant, du coup qui a un peu lien avec ça, je sais pas si vous avez vu ou pas sur notre page ou un peu dans les réseaux, c'est que le bastion social avait été mouré la nuit du 10-11 avril. Et en fait, deux nuits plus tard, il y a eu un concert au Rockenit, un bar qui se trouve dans le 9e arrondissement, mais en gros à côté du 5e, quoi, à côté de leur local, c'était 5 minutes à pied de leur local. Et c'était un concert organisé par des gens qu'on connaît, d'Arca, etc. Et en fait, la soirée, à l'affiche, avait écrit « No fascisme, no racisme, no sexisme, etc. » Et du coup, les FAF y avaient été, 5 de chez nous aussi y étaient. Au début, on avait passé la soirée tranquille, boire des coups, parce qu'on les avait pas vus. Et en fait, après, on s'est aperçu qu'il y en avait 5 de Jesus, du coup, là-dedans. Du coup, on allait voir directement les organisateurs, organisatrices, pour leur dire, bah, en fait, il est pas, vous voulez par quoi. Et panique, non, faut surtout rien faire dans le bar, etc. Bon, bah, quand vous voulez. Et du coup, ils vont voir le vigile de la salle, qui en plus, c'est un vigile qui a travaillé dans la même boîte de sécurité pour le Lyon Antifa Fest, un festival qu'on organise à Lyon. Et que du coup, on pensait, voilà, ça va être cool, c'est bon, il va gérer. Sauf que dans un premier temps, il allait les voir en mode, vas-y, sortez, c'est bon. Et en fait, ils sont revenus tout de suite après, ils sont rentrés les FAF. Et à ce moment-là, on a dit, bon, bah nous, on se casse, on passe pas dans ce bar-là, si vous acceptez les FAF, etc. Petite altercation. Altercation. Et en fait, les FAF, quand ils sont sortis, ils ont un peu vite fait avertir leurs potes qui étaient à côté. Et en fait, c'était un peu inquiétant parce que du coup, on sort. Et là, ils étaient tous cachés sur les quais et bim. Et du coup voilà, bagarre, etc. Et ça s'est fini qu'il y en a 8 de chez eux qui ont été arrêtés plus tard, parce que du coup ils traînaient d'un quartier, dans les mêmes bars que d'habitude, du coup les flics ils ont pu les choper. Et il y a qu'une personne de chez nous qui a été arrêtée, parce qu'il y a le vigile de la soirée qui l'a balancé avec le propriétaire du bar, en mode, oui cette personne-là est venue à foncer avec une voiture vers les femmes, etc. Et en fait c'est que... tout simplement, quand on est sorti du bar, vous connaissez 5, il y en a 2 qui sont allés vers la voiture en mode vite. Et en fait, pour aller dans la voiture à tourner à droite, et ben, il y avait tous les femmes qui sont venus. Et du coup, ils ont été pris. Et il y avait d'autres qui sont venus vers les autres 3. Et en fait, du coup, les personnes qui sont vers la voiture, ben, ils voulaient rentrer dans la voiture pour essayer de nous choper et pour qu'on puisse partir et tout. Sauf que, et en espérant qu'on était à côté pour qu'on puisse monter et tout, sauf que ça n'a pas été le cas. Et du coup, pour faire peur, bah, la personne qui avait la voiture a dû freiner pour que, en espérant qu'il y ait un blanc et tout. Il y a juste 2 femmes qui ont sauté, mais rien de plus, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont pris, soi-disant, le camarade qui a fait, du coup, 48 heures de garde à vue, qui est avec les FAF. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, ils étaient à côté, dans les cellules. Et les flics rigolaient avec les FAF, et même ça parlait entre eux en mode oui, vous avez des nouvelles de Malco. Malco, c'est un gros taré, un nazi taré de Lyon de l'époque qui est plus là, etc. Donc voilà, putain, tu entre eux, paf quoi. Et du coup, la personne était pas à l'aise du tout. Et notre camarade, après, aussi a eu une petite confrontation avec un OPJ parce que du coup, à la base, quand les flics lui ont dit bah là, tu viens avec nous, et pour quand t'entends, premier temps, il a dit bah non, je viens pas, c'est bon. J'ai envie de rien dire. Après, ils ont dit bah, si tu viens pas, on t'interpelle. Du coup, il dit c'est bon, viens. Du coup, il est monté dans la voiture bah, sans mal à rien parce que du coup, il était pas interpellé. Sauf que dès qu'il est arrivé, bah, il va voir le PJ lui dit bon, moi bah, je te déclare en garde à vue. Et là, bah, le camarade fait un garde, il dit mais n'importe quoi, c'est quoi ce truc, on vient de se faire agresser, etc. Il y a mes potes, ma copine, rien. Et du coup, il lui dit écoute, je me bats les couilles. Parce qu'après, le camarade a dit bah, appelez mon avocat, etc. Non, je me bats les couilles. Une petite confrontation, le flic, le PJ donne des coups au camarade. Et voilà, le camarade après a été ramené à l'hôpital. Du coup, gros bordel. Et après, du coup, après 12 jours, il passe devant le juge avec les autres FAF. Comme par hasard, il y a 8 FAF, donc il y en a 2 qui ont été. Enfin, qui sont passés comme témoins assistés. Alors que ces deux personnes-là avaient des gars coquets, des protégeants, etc. Et qui, en plus, dans leur procès verbal, avait dit des trucs hyper affreux et hyper racistes, du genre « Pourquoi tu portais gants coquets avec... Enfin, pourquoi t'avais tes gants coquets avec toi ?»« Bah, on s'est jamais avec les Arabes... Enfin, avec les Arabes... » En gros, c'était... Parce qu'on a pu lire une partie des auditions. Et du coup, il y a un des flics qui lui... Il y a un des flics qui lui demande « Pourquoi t'as des gants coquets et un protège-dents » Et il dit bah, « C'est au cas où on m'agresse. » Et le flic lui demande, mais on t'agresse souvent, ou ça t'arrive souvent de te battre? Non, mais ça t'arrive souvent de te battre. Il dit, bah oui, avec ceux qui cherchent la merde, les gauches, les noirs et les arabes. Et clairement, c'est marqué ça dans son procès verbal. Enfin, faut dire, là. Et cette personne-là était en témoin assisté, donc c'est même pas quelqu'un qui va être poursuivi en fait. C'est... Non, il est passé en témoin assisté. Il est passé en témoin assisté, donc en fait, c'est pour dire le niveau des gens du passion social, quoi. Du coup, voilà, deux, ils sont passés en témoin assisté. Et en fait, sur les autres FAF, il n'y en avait que trois qui risquaient la détention provisoire. Ouais. Avec toi, Il y avait. Du coup, il y avait Sylvain Bissuel, le président du Bastion Social, donc en garde à vue. Il y avait Tristan Ponchon aussi, le trésorier du Bastion Social. Ouais. Du coup, Tristan Ponchon, Sylvain Bissuel et un autre qui était en récidive de violence aggravée, en fait. Donc les trois, ils risquaient la détention provisoire. Il m'a balancé. Donc plus, moins. Du coup, ça faisait quatre personnes qui restaient à la détention provisoire en attendant le procès, parce qu'on ne veut pas juger tout de suite, il n'y a pas de comparution immédiate, donc c'était juste le temps de l'enquête. Et au final, on a été tous mis sous le contrôle judiciaire, donc et les fascistes, et moi. Avec interdiction de se voir, mais bon, je ne vois pas l'apéro avec Bissuel, donc c'est bon. Avec un contrôle judiciaire, avec interdiction du 5e, interdiction du 9e arrondissement de Lyon, pointage une fois par mois au tribunal, il doit avertir si je quitte le département, c'est tout. Voilà, donc du coup, un autre contrôle judiciaire pour le groupe. On a fait, donc du coup là on n'a pas fait appel, c'est le parquet qui a fait appel parce que la juge d'instruction voulait absolument me voir en prison, clairement, enfin elle l'a clairement dit. Du coup elle a fait appel parce qu'elle voulait que je sois en prison, en détention provisoire. Du coup on a repassé tous en appel donc, avec les fascistes et à la cour d'appel de Lyon, je ne sais pas si vous connaissez Lyon, mais... Quand on appelle de loin, c'est en plein 5e arrondissement, en plein quartier fasciste. Du coup, pour eux, quand on appelle un rassemblement de soutien, c'est un gros coup de provoque. Et je vois là, on est arrivé, il y avait combien des comptes ? On était 50. Nous, on était 50, mais ouais, il y avait combien de camions ? Il y avait 20 et quelques camions CRS. Enfin, c'était un truc de ouf. Complètement bouclé le quartier. Ouais. Genre vraiment, du pont jusqu'au bout du quartier, tout le 5e arrondissement était bouclé. Et nous, ça avait interdit de rentrer au tribunal, même les parents. J'ai réussi à négocier juste pour que ma mère puisse m'accompagner avec ma copine dans le hall, le truc n'est pas perdu. Mais après, dans la salle, on était seuls, c'était à huis clos. Et enfin, en fait, du coup, moi j'ai l'impression que c'est ça témoigne vachement en fait d'une volonté des flics d'essayer de mettre des têtes dominantes au sein de la gale, de les faire tomber, et on le sent en fait, c'est toujours les mêmes les chez nous qui, sur lesquels ça, quand même, ça se focalise, et c'est une stratégie particulière qu'ils emploient, quoi, qui est évidente en tout cas là dans ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour les... Et du coup voilà, ça a lien avec le procès. Du coup les avocats ils attendent, c'est lié ou pas les deux derniers procès avec l'histoire du mirage, parce que bah, il faut dire que c'est une question de vengeance pour l'État et qu'en fait c'était prévu et qu'ils voulaient juste venir attaquer quoi. Mais du coup vu que finalement c'est dit innocent parce que bah, il est juste soupçonné, il peut pas faire ça pour l'instant, donc on va attendre. Après, par exemple, s'il y a un truc disproportionné, c'est par exemple en 2017 quand il y avait le bastion social qui avait ouvert et qui avait tout le début, enfin en juin, quand ils voulaient ouvrir un squat au centre-ville de Lyon, bourgeois quoi, vers Cordelier, et bah on avait lancé un premier contre-rassemblement, contre-manif. Et en fait, en allant dans cette manifestation-là, il y a un camarade qui a été arrêté avant d'être dans le rassemblement, qui n'était pas posé, parce qu'on ne pose jamais de manif. Et cette personne-là a été arrêtée, en fait, dans son sac avec des fumigènes, des pétards, le drapeau, le mégaphone et des tracts. Et du coup, bah, vu qu'il avait deux fumis et des pétards, il a été interpellé. Et il a fait deux jours de garde à vue, du coup 48 heures de garde à vue et 3 jours de prison. Donc il allait à Corba. Voilà, pour des fumigènes, des pétards quoi. Et ils ont détruit du coup le mégaphone, tous les tracts, bien évidemment. Pour faire chier, de toute façon vous avez ni le droit de parler, ni le droit de manifester, etc. Donc voilà. Ça c'était, quand ça a été jugé du coup, la première condamnation c'était, bah, il demandait la prison ferme, ça n'a pas été pris. Il y a eu 100 jours amende à 12 euros. Sauf que les jours qui ont suivi, le parquet a encore fait appel parce qu'il demandait la prison ferme et que ça n'a pas été pris par le juge. Donc le proc a fait appel. Il y a eu appel avec encore le même scénario, même quartier, avec autant de flics. Et là, pour le coup, la cour d'appel n'a pas suivi la procureure, elle a suivi la juge et ça a été. C'est clairement condamné 12 euros, 100 jours amende à 12 euros. Donc cette condamnation elle est passée quoi, ma parente elle est sur le casier. Et puis il y a eu 3 jours de prison. Ouais, il y a eu 48 heures, 3 jours de détention en prison, et comparution immédiate. Ça veut dire quoi 100 jours amende à 12 euros? Alors en fait, c'est au lieu d'être condamné à de la prison, enfin de la prison ferme, parce que je demandais de la prison ferme. Tu peux le transformer soit en bracelet, soit en détention semi-liberté, soit en jour amende, soit en tige aussi. Et ça, des fois, c'est soit la juge des libertés qui dit, après le jugement, bon, ils disent t'as 3 mois de prison ferme, et ça, tu vois que la juge des libertés, ou soit directement au tribunal, ils disent, bon, on ne met pas la prison, on y met directement le bracelet, les tiges, les jours amende. Voilà, et là, du coup, ils ont choisi les jours amende. Voilà. Bon, les jours amende, tu as 100 jours pour les payer, parce que c'est pour ça 100 jours amende. Tu as 100 jours pour les payer, si tu les payes pas, tu vas être automatiquement en prison, faire ta détention, tu peux rien, il n'y a pas moyen de négocier. C'était 12 euros. C'est 12 euros, ouais, c'est 12 euros, donc 12 fois 100, 1200. Donc il faut payer dans les 100 jours. Donc, ouais. Voilà, après, à Lyon, on a une caisse de solidarité et tout, donc ça vaut mieux qu'on se tape ça que la prison. Et du coup, là les camarades, ils parlaient surtout de la répression de la gale, mais après, de manière générale, à Lyon, on est confronté à une répression qui est quand même vachement disproportionnée. On a l'impression un peu d'être le laboratoire de la répression en France, on pense. Enfin, il y a beaucoup de cas, là, il y en a un camarade qui a été arrêté, qui a pris 9 mois ferme pour avoir dénoncé un RG dans une manif. Voilà, après des amis qui ont pris 3 mois ferme plus au QTF pour un tag à cab. 9 mois ferme pour avoir dénoncé un RG. Et 9 mois de sursis avec. Et 9 mois de sursis, 18 mois. Pour avoir vu lui l'essai des RG. En pointant du doigt. Non. Parce qu'il y a des gens, après les gilets jaunes et des gens de quartier qui ont couru après le RG, alors que lui il n'a pas couru. Et du coup il est reconnu parce que c'est un militant. 9 mois ferme. Et en fait il a un casier judiciaire. Il n'y a aucun. Première condamnation. Ils lui ont mis 18 mois de prison, donc 9 avec sursis, 9 mois ferme, 1 an d'interdiction de manifestation et 1500 euros de dommages à intérêts pour le RG. Et ils sont allés l'arrêter à son travail. En vrai, enfin, Lyon, il y a quand même un espèce d'aspect ultra sécuritaire, déjà même au niveau des caméras. Il y a énormément de caméras à Lyon. Et ouais, puis là, par exemple, un des phénomènes qu'on avait aussi constaté, c'était sur les refus de comparution immédiate est beaucoup plus compliqué, parce que de plus en plus, il implique un mandat de dépôt, en fait, et du coup, direct, corba, en fait, la prison en attendant d'être jugé. Alors qu'avant, c'était une position qui était très claire au sein des militants, à chaque fois, on refuse la comparution immédiate, c'est très simple si on se fait allumer. Maintenant, c'est une question qu'on se pose encore. Est-ce que tout le temps, on va refuser la comparution immédiate, parce que des fois, ça emmène direct les potes en prison, surtout en période de mouvement. Donc là, les grosses périodes, bah, c'est là les gilets jaunes, l'année dernière sur les facs, les potes ont pris cher, et la loi travail, quoi. Depuis la loi travail, on constate de plus en plus, en tout cas, cette méthode-là, dès qu'on refuse la comparution immédiate, c'est même s'il y a des représentations, etc. C'est ça qui est problématique. En fait, ils retournent même parce que, enfin, vous savez, on a plus de chances d'aller en prison en fait si on n'a pas de logement, pas de travail, pas de main. Pour mon cas, là, sur le fait de, enfin, sur la fois où j'ai failli aller en prison, en fait, du coup, moi, j'ai un travail, j'ai un logement, une copine, la famille qui avait fait les papiers. Du coup, l'avocat avait présenté ça comme un avantage. Regardez, c'est sûr que c'est bon, il y a des bonnes représentations, situations. Et du coup, l'avocat a retourné ça contre moi en disant, bah oui, il a tellement une bonne situation qu'il va avoir peur d'aller en prison et il risque de s'enfuir. Donc, il faut le mettre en prison. Donc, en fait, c'est un truc qui tourne en rond. En fait, si t'as pas de représentation, bah tu vas en prison. Si t'en as trop, bah tu vas en prison parce que t'as peur de faire. C'est n'importe quoi. Enfin, et clairement, c'est des mots de la bouche de la procureure. Enfin, et puis aussi, à cette répression, il y a une visée très politique aussi, parce que historiquement, Lyon, c'était la ville de Gérard Collomb, qui avant d'être Premier ministre de Macron, était maire de Lyon. Même quand il était Premier ministre, donc logiquement plus maire de Lyon qu'il a laissé à Klinefeld, qui est aussi ministre de l'Intérieur. Enfin, pour moi, donc, c'est pareil, c'est, de toute façon, c'est ceux qui organisent la répression très clairement. Et donc il l'a laissé à un monsieur qui s'appelle Klinefeld, qui est le même genre. Il avait encore son bureau à Lyon pendant son mandat, donc c'était lui qui tenait la ville. Et donc du coup, en fait, le truc, Lyon est laboratoire, même on peut le dire, c'est vraiment le laboratoire de la répression, autant sur le fichage, sur la surveillance, même sur, sur le physique, en fait. Hein, je veux dire, les flics à Lyon s'entraînent, la NAS, la technique de la NAS, c'est lyonnais, en fait. Ça a été mis en place à Lyon, travaillé à Lyon. sur les techniques de maintien à l'ordre et tout a été pratiqué d'abord à Lyon. La loi travail, la première loi travail en tout cas, c'était avant d'aller à Paris, tout ce qui est les canons à eau, les méthodes, le flashball, le ceci, le cela, tout a été testé à Lyon avant d'être envoyé à la capitale. Donc vraiment, c'est un truc qui est historique. Et donc Collomb est revenu, ensuite il a démissionné de son poste, il est revenu et réélu quasi directement maire de Lyon, et quand, du coup il est rentré comme le shérif dans le saloon, il a mis tout le monde en fait, je veux dire, il est rentré, il a voulu mettre tout le monde en prison, quoi. Il a dit c'est ma ville, avec mon intégrité je dois garantir le respect dans ma ville, il y a vraiment ça, tu vois, il y a à la fois la volonté gouvernementale et sa propre volonté en tant que maire de la ville de mettre tout ce qui déborde, en contrôle judiciaire, en prison, sous surveillance, etc. Donc du coup, on l'a vu très clairement quand Gérard Collomb est arrivé à Lyon, est retourné à Lyon il n'y a pas si longtemps que ça, donc début d'année 2018, si je ne me trompe pas. C'est là où tout a pris. Et donc du coup, bah, en fait, tout s'est accéléré à ce moment-là. Au niveau de la gale, ça a été ultra précipité, on a pris tout d'un coup, quoi. Il est revenu et ça a vraiment, ça a signé le bas de la feuille, quoi. Genre, vraiment, tout a été en place, la coordination des forces de police, de surveillance, etc. Donc voilà, il y a un truc qui est vraiment structurel en termes de répression à Lyon, historique et structurel, avec des visées qu'on connaît très bien. Et en fait, au niveau de la gale, la répression, elle se fait physiquement, parce que ça use les corps, très clairement, ça use le moral. Et puis financièrement aussi, on l'a vu très bien, les dernières perquisitions, c'est un gouffre financier. Entre les bouquins, les sticks étaient tout neufs, les affiches tout neufs, les t-shirts, les ordinateurs, etc. En fait, ils peuvent pas légalement encore nous dissoudre, comme Marine Le Pen le voulait à l'époque. Elle avait dit on va dissoudre les ligues des snowballs. Enfin, en fait, c'est pas possible parce qu'on n'a pas d'existence légale. Par contre, ils s'amusent à trouver des petits trucs et pour de la merde. Enfin, je veux dire, le camarade qui prend de la tôle pour un fumigène, c'est de la manipulation. Donc c'est aussi pour nous mettre à mal et qu'en fait on n'existe plus. Bon bah ça marche pas, hein, qu'on soit d'accord là-dessus. Mais voilà, il y a des visées qui sont très politiques et qui découlent d'un processus qui est historique et intrinsèquement. Et pour juste rebondir sur ça, ce que j'ai dit, c'est juste avant la grosse perquisition qu'on a eu une grosse partie du groupe là, à 6h du matin. Il faut juste savoir que 3 jours avant, dans les journaux annonçaient que le bastion social était fermé administrativement. Et une partie des militants Lyon criait victoire. Nous, on a dit attention. Et 3 jours après, c'était chez nous que les flics étaient. C'est quand même bizarre la même semaine, surtout que les flics dans les interrogatoires faisaient des parallèles avec ça. Vous connaissez le bastion social, vous savez que c'est fermé administrativement. Vous en pensez quoi? Et ça a été annoncé dans les journaux. Le bastion social a annoncé sur son truc que eux ont été mis au courant par les journaux. Et quand nous on a eu la perquisition, les camarades qui sont restés à l'extérieur, qui n'avaient pas de nouvelles et tout, ont été mis au courant par les journaux qu'on était en garde à vue en fait. Ouais, quand on passait devant le juge et tout, ils ont été mis au courant avant que les avocats viennent leur parler. Et c'est les journaux qui ont dévoilé le truc. Donc il y a quand même un petit truc un peu bizarre. Genre 3 semaines avant, c'était Colomb qui revenait. Ouais, Colomb était revenu 3 semaines, trois semaines à moi avant. Donc voilà, par rapport à la réflexion. Si vous avez des questions, sujet-là. Oui, on peut enchaîner sur le. Ouais, du coup, vite fait, un petit topo, sur les FAF qui est à Lyon. Je vais partir par les identitaires. Ouais. Par les identitaires qui, du coup, depuis 2011, ont ouvert à la Traboule leur bar dans le 5e arrondissement, du coup, d'Avion-Lyon. Et qui, en 2017, en juin 2017, ont ouvert la Gaugée, du coup, la plus grande salle de boxe d'identitaire, du sport d'identitaire en France. Et du coup, ils ont été pas mal actifs depuis 2011 et tout par rapport à la marche des cochons. Du coup, à Lyon, ça leur faisait pas mal de com et tout. Des militants lyonnais ont participé aussi pour l'occupation de la mosquée de Poitiers, des grosses opérations comme dans la Méditerranée contre les migrants et les migrantes. Pareil dans les Alpes à partir de l'année dernière. En fait, ce qu'on a marqué, c'est que les étudiants, leur stratégie, c'est surtout de. Enfin, en fait, à Lyon, on les voit pas souvent, c'est-à-dire qu'ils sont toujours chez eux, dans leur bar, salle, etc., dans le stade, parce qu'il y en a pas mal de choses qui sont au stade, et que dernièrement, on les voit dans les Gilets jaunes, mais du coup, on parlera de ça tout à l'heure. Et en fait, il y a un silence, on les voit plus, on les entend pas et tout, et en fait, jusqu'à quand, à un moment, ça fait un putain de buzz, et du coup, ils ont sorti un gros truc, du coup, la Méditerranée, les Alpes et tout. Et en fait, souvent les têtes qui dirigent ces grosses opérations et qui sont présentes, c'est pas mal des grosses têtes des inters de Lyon. Et après, du coup, il y a aussi un article de l'Arabe qui avait été sorti, début de cette année, je crois. En septembre de l'année dernière, je crois. Sur du coup le lien avec un militant des identitaires, des Gérard Collomb. Et du coup, voilà, ça a un peu montré que comme quoi la thune, ça arrive de quelque part forcément et tout. En fait, pour ça, je pourrais revenir parce qu'il est intéressant. L'article de l'Arabe. En fait, c'est un des militants très connus. Un des porte-parole de Génération Identitaire sur Lyon et qui avait parlé aussi pour les opérations dans les Alpes. En fait, lui, ses parents, c'est les anciens gardes du corps. Enfin, son père était l'ancien garde du corps. Pas de Gérard Collomb, mais. C'était le photographe de Gérard Collomb et c'était l'ancien garde du corps d'un ancien maire de Lyon. Enfin voilà, c'est brassé un peu dans ce milieu, enfin des grandes familles, voilà, bref. Et en fait, le jour du décès de son père, en fait, il y a le milieu bourgeois lyonnais, dont Collomb fait partie, et d'autres membres du PS de l'époque, en fait, font partie, qui ont fait une collecte, en fait, d'argent pour les enfants, en fait, en mode, il se retrouve orphelin et il lui faut de l'argent pour la suite de ses études. Enfin, je vous laisse voir, c'est quand vous avez Collomb qui fait enfin, une personne comme Colomb avec d'autres potes qui sont dans le même niveau que lui, qui font une collecte de thunes, ça fait beaucoup de thunes. Ouais, des soirées, du coup, en fait, ils ont reversé toute cette thune-là, et Colomb est vraiment l'initiateur de cette collecte, en fait. Et ils ont reversé cette thune-là à ce mec-là, qui était enfant à l'époque ou ado, et qui a fait prix Génération Identitaire, mais c'est quelqu'un qui arrive avec beaucoup de sous. Et ça peut expliquer une question qu'on se pose depuis des années à Lyon, c'est comment ils font. Parce que nous, les loyers à Lyon, c'est quand même très cher. Et pour avoir le local où ils ont, dans une rue qui est classée à l'UNESCO, c'est quand même bizarre. Donc on se demandait beaucoup où venait la thune. Après, en France, on sait qu'il y a beaucoup de mécènes, hein, bien sûr, et tout. Mais à Lyon, pourquoi à Lyon? Pourquoi depuis longtemps? Et je pense que, nous on pense, avec ce que la Horde a sorti, c'est qu'il y a beaucoup de gens, dans son cas à lui, qui sont arrivés avec un peu de sous, et qui ont investi en fait, et après ils font ils doivent faire encore d'autres business, mais c'est beaucoup de business comme ça. Et surtout qu'ils sont intouchables quoi. Ils sont intouchables parce que justement c'est le fils d'un ami de Colomb, donc c'est quand même, voilà. Et du coup, les dernières actions des militants lyonnais, en tout cas, là où on les retrouve, c'est sur les Alpes, là, avec leur dernier coup de com. Nous, on a été au courant de ça par des amis, à la base qu'on ne connaissait pas, à la frontière franco-italienne, vers Briançon, qui avait ouvert un squat autogéré dans la zone pour aider au passage de la frontière. Et ils avaient fait leur action, et suite à ça, il y avait des camarades qui avaient fait une manif où ils avaient passé la montagne illégalement. Et du coup, ouais, voilà, en ce moment, ils sont beaucoup à Briançon. Donc nous, on essaie de faire des liaisons un peu avec les camarades qu'on a là-bas. Et là, dernièrement, j'ai été contacté justement parce qu'ils étaient revenus. Et là, en ce moment, du coup, ils traînent avec des pick-up à la frontière. Et ils chopent les migrants qui menacent au couteau et les amènent au dock de Briançon. Voilà. Donc c'est ça ce que font les actions des identitaires lyonnais en ce moment, surtout ça. Ça, c'est juste les identitaires. Première partie. Parce qu'après, on a plusieurs groupes. Après, il faut savoir, on part depuis 2011, parce qu'en fait, 2011, on part de ce que date là, parce que c'est l'ouverture de la Traboule. Après, c'est pas, ils sont arrivés en 2011, les phares, ça date de... C'est historique. On peut remonter peut-être jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, c'est vraiment... 68, à peu près. Ouais, voilà. Ouais. Il y a toujours une... Voilà. Mais après, c'est... Création du GUD à Lyon, 68. Voilà. Mais pour nous, notre génération, la génération un peu d'avance, ça remonte dans les années 2000. Les premières grosses attaques de FAF, c'était en 2007, 2006. Il y a un membre de la CNT qui s'est fait bien blessé aussi en 2009. Et 2010, il commençait à avoir un manège pour tous. 2011, ouverture du local. En gros, ça n'arrête pas depuis cette époque-là. Donc là, c'est les identitaires. Alors, local, après, il y a deux groupes. Du coup, après, le deuxième groupe, c'est le GUD, qui maintenant existe peu, c'est une passion sociale. Mais qui, du coup, pour commencer, je ne vais pas commencer de quand ils existent, parce que de toute façon, je pense qu'un peu l'histoire en général, je pense que je connais et tout. Mais par exemple, à Lyon, ils sont revenus, enfin, ils ont commencé à être actifs à partir de leur travail. En fait, à leur travail, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils allaient devant une fac, Lyon 3. Du coup, à Lyon, il y a trois facs, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, et puis les écoles. Et en fait, Lyon 3, c'est la fac un peu de droite, enfin, des études de droite et tout, et en fait, où il y a les militants bourgeois. Bon, c'est un peu un cliché, mais c'est le cas. Et du coup, ils allaient devant la fac, ils faisaient des grosses lignes, et vu que la plupart des manifs, ça commençait à sans souci, du coup, à côté de la fac, et ils étaient là avec des casques, rien, en mode allez, venez, pas de gauche, que dans notre fac, vous n'allez pas bloquer, rien. Et du coup, depuis là, ils ont été actifs. Après, ils essaient d'attaquer les manifs certains fois ou attendre à la fin des manifs et tout. Et ce qu'ils ont fait après, c'est qu'un an après, ils sont déçus et ils ont créé le Bastion Social qui, du coup, est né à Lyon. Et leur première action, c'était d'ouvrir un squat et à Cordeliers, du coup, plein de centre-ville. Ils ont tenu même pas deux semaines, même pas, ils ont tenu. On a fait dès le début, du coup, des rassemblements contre ça. C'était l'été, c'était juin, et en fait, vous qui c'était plein centre-ville, bourgeois, mais en plein centre-ville, les flics et les autorités avaient carrément intérêt à les faire dégager parce qu'ils savaient que de toute façon, nous on appelait tout le temps des comptes de rassemblement là-dedans, et du coup, ça bloquait le centre-ville, oh là là. Donc voilà, ils les ont virés pour ça. Et de toute façon, tout de suite après, ils ont ouvert un local, toujours pas de 5e, mais pas dans le centre. C'est plutôt un nom, du coup, à Saint-Jean. Un local qui a le pavillon noir, qui a duré un an, quelques mois. Du coup, voilà, les ratonnades, ça sortait un peu de là-bas, surtout que c'était un côté d'un quartier un peu populaire quand même. Du coup, il y avait des ratonnades, comme d'hab, etc. Et ce qu'on a constaté, du coup, depuis tout de suite, par exemple, le premier jour d'inauguration de leur local, on avait un grand rassemblement en plein centre-ville et on avait remarqué plusieurs militants de Casa Pound, du coup, de l'Italie, des femmes de l'Italie, parce que du coup, ils s'inspirent de ce parti politique, le fasciste italien, et ils essayent d'avoir les mêmes stratégies, etc. Donc pourquoi pas un jour essayer d'être un parti politique, j'imagine. Donc voilà. Après, ils ont quitté leur local à Saint-Just et ils ont rouvert en plein à côté, enfin d'Alquier, du coup dans le 5e, le pavillon noir encore, un autre local qui du coup a été fermé en novembre, ouais, début novembre, administrativement, donc c'est-à-dire qu'eux ils avaient le droit d'y aller, les gens qui avaient la carte adhérente avaient le droit d'entrer, mais ils avaient plus le droit de faire des trucs publics où il y avait plein de gens qui venaient, et ça juste en fait parce que les normes de sécurité n'étaient pas toutes respectées, c'est juste pour ça, pas parce que c'était des nazis ou je ne sais pas quoi. Donc à Lyon ça, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait pas mal de personnes de milieu qui étaient putain trop cool, voilà, les mobilisations et tout, alors qu'en fait pas du tout, parce qu'en plus trois jours après, donc on avait été arrêté. En plus, une semaine après, c'était un bar associatif d'antifascistes, des très bons potes à nous à Grenoble, qui a été arrêté pour le même arrêté. Enfin, l'arrêté c'était le même. Donc en fait, c'est pas parce que c'est des nazis et parce qu'on a fait une mobilisation que la mairie et les autorités ont décidé de les arrêter. Enfin, et puis, on ne peut pas compter sur les autorités parce que c'est les mêmes qui nous répriment, quoi. La GAL a une position particulière en tout cas sur la question du pavillon noir. Parce qu'il y a eu tout un collectif qui s'est montré contre ce local à Lyon, avec plusieurs organisations allant des amonistes, des jeunes socialistes, jusqu'à la CGA, beaucoup de choses, beaucoup de groupes, CNT, PCF, tout ça. Et nous, au début, on a fait partie de ce regroupement parce qu'on avait envie de se bouger activement contre le local. Après voilà, là où le moment qui nous a fait quitter ce regroupement, c'est à partir du moment où il y avait une demande permanente d'action des pouvoirs publics, d'action de la mairie, de la préfecture. Et nous voilà, c'est un truc ça qu'on nous on peut pas accepter en fait d'être dans cette revendication là pour le simple fait que, comme l'a dit la camarade, en fait ces mêmes mairies, ces mêmes préfectures en fait qui vont fermer administrativement un local fasciste, le lendemain en fait ils viennent nous perquisitionner les amis, quoi. Et voilà. Et le référendum, sinon le local n'était pas en ordre. Et c'est pour ça que nous au final c'est un combat dans lequel celui-ci en tout cas on s'est éloigné, on a préféré l'action de terrain. Oui, autre chose, dans le quartier, dans l'autre universitaire et plein d'autres trucs, quoi. Parce que se battre, parce que tout le monde a crié victoire, mais en fait ils se sont battus parce qu'il manquait des extincteurs et une sortie de secours sur leur locaux. En fait, on ne ferme pas pour leurs idées, on ferme parce qu'il manque des normes de sécurité. Et notre milieu, milieu de gauche, en fait, on a les mêmes soucis, on se fait fermer nos lieux. Enfin, je pense à un lieu comme ça ou d'autres, on se fait fermer nos lieux, on se prend des amendes parce qu'il manque des extincteurs, parce qu'il manque une sortie de secours, parce que. Et en fait, on est contre se battre avec les mêmes, avec les armes qui vont se retourner contre nous après. Donc ça, c'est hors de question. Pour nous, c'est pas du tout une victoire. La fermeture du bastion social administrativement, c'est pas du tout une victoire. Même si ça leur met des bâtons dans les roues, on en parlera après, mais ça les ralentit pas du tout. Donc voilà. Et du coup, le BES, depuis le début, ils ont été beaucoup actifs. Ouais, c'est ceux de laquelle on a toujours entendu parler, quoi, à Lyon, par rapport à les identitaires, par exemple. Et l'île des chasses, l'histoire de l'attaque, du baroque et tout. Il y a Croix-Rousse aussi, du coup, Croix-Rousse, c'est un des quartiers qui anciennement était considéré, a une grosse culture militante, en tout cas sur Lyon, à la base, qui a eu une grosse phase de gentrification qui a fait disparaître tout ça, mais bon, il y a encore toujours cet esprit un peu, on dit, bon, Croix-Rousse, les FAF normalement n'y vont pas. Et du coup, depuis que le Bastion Social s'est monté, bah ouais, c'est à peu près toutes les deux semaines, les FAF qui traînent dans le quartier, qui cherchent des potes, des gauches. Après oui, ils commencent aussi à habiter dans le quartier, et puis parce que Croix-Rousse, c'est le Val de Noir était en bas, quoi, fallait juste monter de l'escalier pour monter, quoi, tu vois. Donc en fait, stratégiquement, on voit en plus qu'ils ont cette volonté, en tout cas l'EBS, de gratter le territoire. Donc ils ont leur base qui est vraiment Saint-Jean, qui restera, je pense, encore longtemps leur base, si c'est le contraire, mais... Mais là, voilà, on voit qu'ils essayent de s'exporter dans le centre-ville. Donc c'était leur premier essai, c'était par l'ouverture de leur squat, qui était, pour ma part, je pense, beaucoup trop osé. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Mais là, leur deuxième technique, c'est voilà, gratter Croix-Rousse, de plus en plus habiter là-bas et être présent. Donc là, récemment, il y a le local du PCF qui a été éclaté avec Radio Canut. La deuxième fois, même pour la troisième. Il y a, je crois, il y a deux, trois semaines. Ouais, c'est ça, 3 semaines. Voilà, donc deux locales considérées comme gauchistes à Lyon ont été éclatées. Et du coup, bah, le président de tout ça, c'était Cyril Michel, que la plupart des gens connaissent, et qui du coup, lui, en septembre, a laissé son poste pour soi-disant des problèmes juridiques et personnels. Du coup, on voit qu'Eloi, il se cache plus, il essaie de ne pas se montrer avec d'autres membres, mais on sait très bien qu'ils sont toujours derrière, etc. Et ah oui, et du coup, pour continuer avec le BS et le GUD, du coup, après le travail, après avoir créé le BS, ils ont aussi, enfin, ils ont eu une année où en fait, ils ont décidé d'ouvrir plein de trucs, Lyon, du coup, un magasin de tatou, le point d'ancrage, qui s'appelait avant comme ça, et qui est maintenant un North Moon Tattoo, qui, les gens pensaient que du coup, non, c'est que des FAF, mais en fait, c'est toujours des FAF, c'est juste que, bah, ils se cachent. Et ils se montrent pas, mais du coup, on est sûr que c'est des nazis dedans qui travaillent et tout, et qui les pas sont toujours dedans, ils se font tatouer et tout. Et en fait, dans ce magasin, enfin, dans ce local de tatouage, il y avait Pasquin, un militant italien de Casapound de Rome, qui avait été qui s'était présenté aux élections municipales de Rome. Je ne me rappelle pas l'année, je crois 2013, mais je ne suis pas sûre. Et qui, du coup, est venu à Lyon, et c'était lui qui tatouait pour 6 mois, pendant 6 mois, quoi. Et du coup, on voyait quand même des militants FAF de Casapound, surtout de Verona, qui venaient à Lyon. Et aussi le Made in England, parce que du coup, il y avait aussi l'histoire de Le Gandjian qui du coup, qui était interdit de Paris, en par hasard, arrivé à Lyon. Je sais pas si vous savez Le Gandjian. C'est celui qui a été vu sur les vidéos en train de torturer un de leurs militants. L'ancien chef du GUD. Exactement, ouais. Et qui sont passés en procès pour ça, c'est lui qu'on voit. Donc lui, on l'avait aussi à Lyon en fait, on a toute la crème. Parce que quand il est interdit Paris, mais il y en a assez trop. Mais qui du coup avait ouvert ce magasin à l'Institutuel. Magasin de vêtements à le Made in England. Et du coup, tout ça, le Made in England. Salut. Le Made in England, ça s'est fermé. L'histoire a laissé tomber tout au début de l'année et le magasin tout court, il est toujours là mais il a juste changé de nom et tout. Et c'est plus le gars peut-être qu'il gère, mais peut-être qu'il se cache. Parce que du coup le gars il est en prison et on l'a plus vu pour 6 mois. Mais du coup elle est sortie, ouais. Du coup voilà, ça c'est pour le goût d'ES. Après on a Action Française. Mais qui pareil, franchement, on les voit pas tant que ça. L'Abstention, ils sont pas à Lyon, ils sont toujours d'un centre, mais ils sont à Lyon, enfin à RPRH, toujours dans le centre bourgeois. Et là, ils commencent à être plus sympas d'aller fac, de centre, ou toujours Lyon 3. Et ils sont pas vraiment en alliance avec, ils n'ont jamais vraiment été en alliance avec ni le Goud, ni les identitaires. Du coup, les trois groupes, ils sont pas potes-potes. Même si on voit que certains militants du coup de l'AF ont quitté l'AF, ils sont là au Bastion Social, et certains membres des identitaires, pareil. Ils avaient un local à Perrache, qui du coup ils l'ont plus depuis pas très longtemps, mais que je pense que du coup là ils regardent l'autre truc, mais plus enfin, toujours d'Assainte, quoi. Et voilà, du coup, à part les tractats, certains manifs pendant mai, manifs de Jeanne d'Arc, on les voit pas tant que ça. Quoi. Après, on a certains membres du PNF, le Parti Nationaliste Français. Pareil, c'est une dizaine de personnes, quoi. Le PNF, pour le coup, ils sont pas. On n'a pas l'impression qu'ils ont une visée politique qui est très très organisée, en tout cas sur Lyon. Mais les dernières agressions en tout cas qu'ils ont faites, c'était beaucoup sur les prides. Donc voilà. À se prendre en photo avec un drapeau arc-en-ciel retourné. Et... Parce que pour revenir, parce que à Lyon, du coup, il y a les identitaires, vous avez dit 2011, de Dude qui est arrivé juste après, qui s'est transformé du coup en bastion social récemment. Mais entre temps aussi, on a eu toute la clique Alexandre Gabriac, Yvan Benedetti avec le Voix française Jeunesse Nationaliste. Pour vous dire, les deux, ils avaient même ouvert une liste à Vénissieux. Vous avez réussi à rentrer dans le conseil municipal quand même, c'est un truc de ouf. Du coup, nous on avait Gabriac en face de nous, notre gros, avec une énorme écharpe bleu-blanc-rouge qui venait. Enfin, quand il était pas sûr de lui, il venait avec son énorme écharpe bleu-blanc-rouge et manif. Et dès qu'on touchait, c'est je suis un élu. Enfin, il osait dire ça, enfin, c'est un truc de ouf. Et ces deux-là, en fait, on les a eu pendant un moment jusqu'à la dissolution, comme vous savez, après avoir créé l'Amérique. Du coup, les deux ont voulu relancer un truc qui s'appelait Jeunes Nations. Donc, Jeunesse Nationaliste, Jeunes Nations, ils se sont fait niquer, ils ont eu reconstitution de Ligue dissoute. Donc, ils se sont fait condamner il n'y a pas très longtemps pour ça, avec des milliers d'euros d'amende. Ça leur a mis un bon coup. Donc, on les voit pas. Gabriel, on ne le voit plus trop, il s'est exilé à Genève, et il milite vers Chambéry et tout. Yvan Benetti, on l'a vu il y a un an faire de la provoque, un rassemblement qu'on avait fait. Donc il traîne et c'est lui qui a plus ou moins, c'est le porte-parole du PNF, donc c'est lui qui manageait ces petits du PNF. Mais après je pense que Benetti doit, c'est le porte-parole du PNF, il est un peu à droite à gauche et à Lyon ça n'a pas beaucoup marché. Et le PNF s'est fondu plus ou moins dans le stade de foot et dans le bastion social. Ils n'existent plus trop, ils n'existent plus trop. Les gens sont là, mais le groupe n'existe plus vraiment. Et à Lyon aussi, le problème qu'on a, en fait, c'est qu'on a toujours eu depuis 50 ans, c'est le stade de foot. En fait, le stade de foot n'a jamais été à gauche, et voire même très, très, très, très, très à droite, à extrême droite. Et du coup, en fait, il n'y a jamais eu, à Lyon, il n'y a jamais eu il y en a qui disent qu'il y a une tribune de gauche et une tribune de droite, mais c'est jamais vrai. En fait, il y a une tribune apolitique et une tribune d'extrême droite. En fait, les apolitiques sont quand même plus à droite. Enfin, voilà, c'est ça le stade de foot à Lyon. Et la plupart militent aux identitaires, PNF, façon sociale, etc. Après, les gens de stade, les vrais gens de stade, les ultras, on les voit pas forcément tout le temps, mais c'est une force de frappe pour les fascistes quand ils en ont besoin. Et on l'a vu depuis ces dernières décennies, la dernière décennie qui est passée là. On les a vus plusieurs fois pour Mariage pour tous, ils sont venus. Pour les matchs de l'Algérie, quand ils sont partis en émeute à Lyon, ils ont fait un énorme cortège de 300 personnes qui voulaient attaquer notre quartier. Et là, du coup, dernièrement, on les voit dans les gilets jaunes, en fait. Du coup, c'est une énorme porte de frappe pour les groupes militants d'extrême droite à Lyon. Donc en fait, tout ça pour vous dire, c'est que nous, en fait, de toute façon, tous les groupes qui existent pratiquement en France, on les a, on a aussi Lyon Dissident. On avait Lyon Dissident avant, qui avait formé le Bunker Corp à Lyon, c'était un bar clairement néo-nazi, donc pour le coup, c'était juste Blue de Honor et les gens de stade, donc c'était néo-nazi de ouf. Donc c'est le seul bar qu'on a où il y a une mobilisation, on va dire, assez populaire pour le faire fermer. Parce que clairement, il y avait eu des vidéos d'eux en train de faire des zigs et tout. Et puis bon, les mecs qui parlaient à la caméra, c'était tous des grands crânes rasés du stade, des tatouages dans le cou. Et vu que ça rentre dans l'imaginaire des fascistes pour l'ensemble des Français, c'était plus facile de ramener du monde. Par contre, là, c'est un peu plus difficile avec les gens tout bien habillés, des identitaires et du bastion social. C'est sûr, ils n'ont pas des têtes, ils n'ont pas des croix gammées sur le crâne, donc c'est plus difficile. Mais on a eu quand même le Bunker Corp quand même, et ces gens du Bunker Corp n'ont pas disparu, en fait le lieu a fermé, et en fait les leaders du Bunker Corp, on les a vus, on les a pas vus depuis longtemps, et on les a vus sur les photos en train de boire des coups aux bastions sociales. En fait on sait que si le Blue Denon Or traîne aux bastions sociales, et c'est aussi une force de frappe s'ils en ont besoin, le Blue Denon Or ne dirige pas le bastion social, il y en a qui traînent là-bas, et c'est une force de frappe s'ils en ont besoin, donc le Blue Denon Or, stade de foot, BS, Bud, enfin voilà, enfin à Lyon on a une bonne crème, une bonne team. Et du coup, on parlait tout à l'heure de laboratoire de la répression, et je pense qu'on peut aussi parler de Lyon comme laboratoire du fascisme. Et Il y a en fait, il y a toute une, enfin Lyon, il y a vraiment toute une base de création de pensée fasciste aussi. Enfin, le bastion social aussi, ce qui est nouveau, c'est aussi cette position soi-disant sociale, soi-disant autonome. Enfin, leur valeur entre guillemets, c'est autonomie, identité et justice. Donc voilà, comme disait la camarade, directement inspiré de la pensée italienne, néo-fasciste, qui va du coup faire des maraudes auprès des SDF français. Et pareil, voilà, le squat, il y avait aussi cette volonté d'accueillir des SDF sous carte d'identité. Donc voilà. Et l'action française, c'est... Mais l'action française, c'est pareil, du coup, il y a quand même toute une création de pensée qui est faite à Lyon, quand ils viennent tracter devant les facs, ils recherchent aussi ça, à jouer sur la nouvelle pensée, tendance en tout cas. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai l'impression qu'ils créent leur pensée. Et enfin, finalement, le dernier, c'est Marion Maréchal Le Pen, du coup, qui a ouvert son école à Confluence, donc un quartier anciennement populaire, qui a été aussi encore une fois totalement gentrifié. Rasé. Et c'est pareil, alors ce quartier, c'est un quartier, c'est un prototype du futur de la ville qui voudront un jour de partout. Mais du coup, voilà, elle s'est installée là, avec plein de caméras, et c'est une école de sciences politiques d'extrême droite. Voilà. Et... Elle a été encore vue ce matin. Peut-être ça permet de rajouter un truc sur l'AF, c'est je crois un des groupes les plus vieux et qui tiennent encore et même de mieux en mieux, c'est là où ça fait peur. L'AF, elle a été créée à peu près dans la fin du 19e et dès son début elle a toujours eu énormément de force à Lyon, encore aujourd'hui, donc ça fait plus de 100 ans que ça dure. Et je pense qu'il y a aussi un accent à mettre très important, c'est qu'il y a les collusions entre la bourgeoisie et la bourgeoisie catholique, notamment parce que Lyon est une ville historiquement très attachée aux valeurs catholiques. Barbarin, il est lyonnais, hein, c'est, je pense qu'à peu près tout le monde connaît Barbarin, qui a été accusé de pédophilie, ou parmi tant d'autres d'ailleurs. Et du coup, l'action française, qui est ses principes de base, c'est notamment le catholicisme intégriste, donc du coup, elle a toujours pu se financer allègrement dans les fonds lyonnais, le fonds de l'église lyonnaise et du coup aussi de la bourgeoisie lyonnaise, parce que c'est la haute bourgeoisie qui fréquente l'AF. Et ça se ressent aussi chez les identitaires aussi, parce que les identitaires sont aussi dans ces milieux-là, ces milieux très religieux. Et donc du coup, encore une fois, Lyon la bourgeoise, ça a toujours été comme ça, et il y a vraiment des fonds énormes qui circulent, et énormément de liens aussi, des contacts. Et en fait, Lyon, c'est... Ce qui est de perturbant, c'est que c'est à la fois, comme dit le camarade, c'est là où émerger pas mal d'idées, c'est des laboratoires de pensée, d'action aussi, mais ça, et en même temps, c'est une base arrière où en fait, il y a à Paris, donc les deux plus grosses villes infiltrées par les FAF en France, c'est Paris et Lyon, et en fait, c'est du coup, Paris, c'est, enfin, Lyon est devenu la base arrière de Paris, en fait, et on le voit notamment avec l'action française. Mais aussi, du coup, il n'y a pas de bastion sociale à Paris. Après, proportionnellement, à Lyon, on est quand même beaucoup plus petit. Oui, après, par rapport à ce qu'on a en face, ça n'a rien à voir. Mais le GUD a été créé à Lyon aussi, c'est pour ça. Ouais, c'est universitaire. Le GUD, il a été créé en 68 quand il y a eu les occupations de la Châtre. Lyon 3, ouais. Lyon 3 à Lyon 2, enfin, ça n'existait pas encore en 68, Lyon 2 et Lyon 3, mais c'était une seule même fac. Et typiquement, le GUD a été créé, en fait, à ce qui est maintenant Lyon 2, ça balançait de l'essence sur les FAF en bas, et c'est de là que, tu vois, il y a vraiment eu des très très gros affrontements entre les forces fascistes, et voilà. Et donc c'est pareil, le GUD, c'est lyonnais, quoi. Après, il avait été dissous, le GUD, pendant des années. Un peu après, il s'est refait. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il a changé de nom aussi, et qu'il a voulu peut-être... Pourquoi Bastion social, c'est leur histoire qui a voulu effacer. C'est la politique aussi qui change, en fait, c'est le de dire on change de méthode politique et on part sur ce truc social justement qui était beaucoup moins présent. Après, juste pour aussi, parce que tu parlais des facs, mais on a oublié un truc, en fait on a tellement faf à Lyon qu'on oublie. Mais les facs de Lyon sont, ont été connus aussi pour accueillir des... il y a comme Bruno Gonnich qui était prof à la fac Lyon 3. On a eu Fourisson. Non, voilà, enfin, c'est, en fait, Lyon, c'est quand même historique, c'est, ça vient pas de, c'est pas venu comme ça, il n'y a pas de date, ça, ça date de très longtemps, et ça s'est ancré dans la foi lyonnaise, dans l'histoire lyonnaise, le catholicisme, enfin, dans plein de choses. Pour vous dire, le catholicisme et l'Action française, cette semaine, ils ont, la semaine dernière, ils ont fait une messe pour l'assassinat de Louis XVI et tout, à l'église Saint, oh la vache. Paul, Saint-Jules. Non, Saint-Paul. Ouais, Saint-Paul. C'est Saint-Paul. Et cette église de Saint-Paul est dans le quartier du 5e arrondissement, le quartier des Pochis. Bah, si vous ne connaissez pas Lyon, en fait, en gros, il y a deux fleuves. La rive, il y a le Rhône qui part à gauche, la Saône qui part à droite. Et sur la rive droite de la Saône, c'est l'extrême droite. Mais sur la rive gauche du Rhône, c'est l'extrême gauche. Alors, en gros, c'est la guillotière qui est à gauche du Rhône, comme vous regardez dans la descente, hein, la direction de chez vous. À gauche du Rhône, il y a la guillotière, la Croix-Rousse qui est un peu en milieu, en retrait, plus ou moins entre les deux. Et à droite de la Saône, les fascistes. Donc en fait, nous, il y a deux fleuves à traverser, deux ponts. Et voilà, et c'est tout petit, Lyon, le centre-ville. Enfin, c'est tout petit, c'est. Faut tout faire à pied, quoi. Ouais, voilà. Pour donner une idée. C'est à côté à pied, quoi. Donc voilà, en fait, l'histoire des fables de Lyon, elle est quand même assez profonde. Ouais, et du coup, j'avais deux questions, en fait, une sur le Jude. Si vous dites qu'ils s'inspirent d'un parti fasciste italien que je connais absolument pas, mais moi, leur manière d'agir entre guillemets auprès des pauvres et les pauvres qui blancs, etc., moi ça me rappelle vachement ce que faisaient les nazis, enfin ce que font d'ailleurs encore les nazis en Grèce. Alors, comment s'appelle ce parti? C'est ça, vraiment c'est comme ça qu'ils ont percé sans torture d'action. Et du coup, est-ce que c'est pas un peu une idée un peu entre guillemets européenne, tu vois, sous les partis fascistes de faire ça? Et ensuite, moi je me pose une question. Qui est vachement naïve en fait. Parce que moi j'avais vachement suivi Génération Identitaire quand ils s'étaient créés, leurs actions, etc. Mais du coup, une question que je me pose, c'est comment est-ce qu'ils sont en termes d'alliance entre les différents groupes, genre Génération Identitaire, Base Sociale, ou est-ce qu'ils sont un peu genre nous on fait d'autres compotes dans notre coin et nous aussi, et voilà. Du coup, juste sur la première question qui était. Ouais, la visée européenne, ouais, ça c'est très clair, c'est ce qu'on analyse aussi en rencontrant les antifascistes du coup d'autres pays, Italie, Grèce, etc., qui nous disent que ouais, là en ce moment il y a vraiment cette volonté là. Mais comme, c'est nul de faire ce parallèle là, mais en tout cas, comme le milieu d'extrême gauche a voulu par exemple créer une identité un peu autonome, beaucoup plus nouvelle en dehors des partis, les fascistes eux ont voulu. Rapprocher du coup cette visée sociale et aussi autonome, c'est un truc qu'ils mettent aussi vachement en place, vachement en avant quoi. Et ils ont un univers, ils créent un nouvel univers quoi, qui est très fort, et ça c'est sûr que Obdoré, Casapound et Bastion Social, et comme c'est le regard social, ouais, et le nazisme allemand, c'était ça aussi, c'était on va aider votre peuple à revenir fort, on aime le enfin, c'est ça depuis le début, le nazisme finalement c'était. Ouais, mais là, il a voulu rendre son pays riche, c'est ça depuis le début, sinon. Ouais, bah oui, le national-socialisme, bien sûr, mais on a, en tout cas, ils se différencient par exemple du fascisme de Mussolini un petit peu, quoi. Ils vont pas du tout parler du patronat, de ces choses-là, du soutien à la bourgeoisie. Et ils sont vachement dans une visée quand même hyper-sociale qui était déjà présente dans le fascisme et qui aujourd'hui, maintenant, a l'air de prendre vraiment la première place quoi, de toutes leurs revendications. Et sur les identitaires, clairement, on l'a vu dans ce que vous avez vu, c'était pas dans le français de Jazira, je l'ai dit. On a un autre reportage, à un moment, il y a un des leaders de. Ah non, c'est pas ça. Il y a un autre petit reportage qui a été fait à Lyon. Et du coup, il y a un des leaders de Lyon qui parle et il dit « Ouais, il y a le bastion social dans votre ville, est-ce que... » Et clairement, il a chinté un peu le truc, en gros, nous on fait notre truc, ils font leur truc, sans leur cracher dessus, mais en fait, c'est clairement ça, en fait, c'est à Lyon, jamais les identitaires vont s'afficher avec le bastion social. Par contre, nous, face à nous, quand ils viennent soit dans des affrontements, ou soit on connaît les militants et on sait très bien qu'il y a des militants, des identitaires, mais par contre, clairement, non, ils ne font pas une alliance, enfin, pour l'instant, ils font pas d'alliance sur, je sais pas, mon... ils font pas d'alliance publique. Publique, dire, voilà, quand il arrive un problème de bassin social, on verra pas de soutien des identitaires sur ça, et vice versa. Par contre, on sait très bien que les militants alliance sautent de groupe en groupe. Oui, bien sûr. Ils sont 20, de toute façon, ils sont solidaires les uns les autres. Bah, ceux qui veulent aller au contact et qui aiment la bagarre, ils sont tous solidaires. Ils sont là. Voilà. Après, par contre, ceux qui font la politique pure, ouais, c'est pareil, chaque groupe a son truc. Les seuls qui sont affichés avec le bastion social, c'était Dissidence française. Lors des premières. Une des premières manifs que le bastion social avait fait en unité. Bah, c'était le seul qui était avec leur drapeau qui s'était affiché, mais pareil à Lyon, en fait, ils sont d'Issidence française, c'est pas vraiment à Lyon, ils sont dans la région, ils sont dans beaucoup à Brest, et qu'ils viennent de temps en temps à faire des réunions, je pense qu'ils font des réunions ponctuelles dans les villes de la région, et qu'ils viennent chiquer bouffer dans les quartiers différents, et c'était les seuls qui sont affichés. Le reste, non, à part voilà, un déménagement de certains militants du PNF, des identitaires, non, de PNF et de l'AF qui sont allés à la base sociale, mais sinon pas d'alliance officielle ou publique, en tout cas. Mais s'il y a ce délire de stade, quoi, ou qu'ils vont au stade et qu'ils sont aussi au stade et qu'ils bah, ne sont pas tous du BES ou d'exclus ou de l'AF ou des notaires, bah, ils sont aussi des coups pour la bagarre. Ils sont là, quoi, ils s'appellent. Okay, ouais. Puis il y a le problème de chef aussi, hein. Ça a déjà posé beaucoup de problèmes dans le milieu fasciste lyonnais, les problèmes de chef. À l'époque, Gabriac, Missuel. Enfin, c'est pour ça qu'il y avait Gude et Jeunesse Nationaliste, ils étaient ensemble mais pas ensemble. C'était deux chefs. Enfin, okay. On l'a vu avec, avec Logan quand ils tabassent l'autre. Enfin, il y a beaucoup de rivalité pour les chefs. Donc ouais, voilà, pour l'instant, il n'y a pas, enfin, il y a pas de réelle alliance. Mais, okay. Voilà. Donc voilà pour le contexte des FAF à Lyon. Grosse ambiance. C'est bien, je crois qu'on a bien compris. Du coup, bah, ça nous amène au gilet jaune, puisque c'est l'actualité. Ouais. Et du coup, bah, directement dès le départ, en fait, on a vu du coup, les fachos de Lyon directement rentrer dans la mobilisation des gilets jaunes. Très très rapidement, en plus, avec une communication hyper rodée, avec des affiches déjà prêtes, du tractage, etc. Ils sont allés beaucoup sur les ronds-points, dans un premier temps, qui étaient les ronds-points et les péages, surtout les péages, qui étaient aux alentours de Lyon. Après, voilà, y avait pas, ils n'y allaient pas non plus en tant que BS. Enfin, c'est pas comme ça qu'ils s'affichaient, en tout cas, devant les gilets jaunes. Et il y avait plus un gros travail de lexique sur le peuple français, le soutien aux plus démunis français. Et c'était plus là-dessus qu'ils jouaient. Alors ils se sont fait quand même têche de certains de certaines manifs au départ des gilets jaunes. Parce qu'ils étaient un peu trop justement revendicatifs. Ils ont fait par exemple une banderole non au pacte de Marrakech. Et ils sont baladés comme ça en tête de cortège pendant pas mal de temps. Mais du coup ça ils l'ont un peu arrêté parce qu'ils ont compris que ça fonctionnait pas trop avec les gilets jaunes. En tout cas je pense. Et là ils ont une nouvelle stratégie. Déjà ils répartissent leurs forces. Nous on a l'impression, enfin on sait que les militants lyonnais vont des fois à Paris, des fois dans d'autres villes. Et là leur technique c'est plus... du coup, d'agresser en fait directement tout ce qu'ils considèrent comme gauchistes dans les manifs. Ils sont plus trop présents sur les péages, à ce qu'on sait, d'après les camarades qui sont présents. Et puis voilà, alors au départ ça a commencé par des petits groupes qui étaient à 10, allez, deux petits groupes de 10 dans la manif, qu'on repère, qu'on trouve bizarre, qui agressent des potes, et une totale désorganisation en tout cas de notre milieu. Alors qu'on pouvait atteindre des fois 100-150 têtes amies quoi, qu'on pouvait reconnaître, c'était, on était complètement dépassés en tout cas par la manif, on n'a pas du tout réussi à gérer les départs. Et c'est pour ça que plusieurs fois, il y a des potes, du coup, eux leur technique c'était foncer dans la manif, avoiner et repartir, en disant ici on est à Lyon. Voilà. Donc tout ce qu'ils considéraient comme gauchistes, ils agressaient. Suite à ça, alors déjà pendant toute cette période-là, en tout cas, bon, ça a duré pas non plus trop longtemps, c'était deux fois, une ou deux fois qu'ils ont fait ça. Et c'était toujours rendez-vous à Bellecour, donc une des places principales de Lyon, qui est très facilement nassable. Et donc les Gilets jaunes ont décidé, à partir de plusieurs manifs, d'arrêter de se donner ce rendez-vous-là à Belfort, qui était vraiment problématique. Et là, il y a eu une division du coup de plusieurs cortèges qui se sont faits, donc un qui s'est monté du coup à Croix-Rousse. Et du coup là, on savait, nous en tout cas, c'est là-dessus qu'on avait décidé d'être présents, parce qu'on se disait que c'était là où il y aurait le plus d'amis, là où on pourrait plus se retrouver avec des gens qui sont dans un imaginaire à peu près commun au nôtre, ou en tout cas avec qui on peut parler. Et les FAF, eux, avaient prévu du coup un rassemblement plus à Part-Dieu, donc qui est le point commercial de Lyon. Ils n'ont pas réussi à faire leur manif, du coup à Part-Dieu, qui a été directement bouclé par les flics. Et du coup, nous, du coup, avec les camarades lyonnais, on a réussi à un peu plus s'organiser, à être présents en tout cas sur les gilets jaunes, à ramener du son, se voir, se tenir. Et là, on avait viré, en tout cas cette fois-là, une dizaine de FAF qui rôdaient, à coup de Lyon Antifa, qui était repris par une grosse partie de la manif, ce qui nous avait plutôt enchantés. Et du coup, bah, directement suite à ça, bon, il y a eu plusieurs manifs de gilets jaunes où aussi on ne les a pas croisés forcément. Mais la seule fois où en tout cas on les a recroisés, peut-être tu veux il y a eu la période des de Noël, donc c'était un peu mou pour tout le monde. Hein, sur les manifs en France, on baissait. Et après, il y a eu la première manif de début janvier, du coup, des militants syndicalistes de CGT cheminots avaient reçu soi-disant des menaces. Alors, on ne sait pas si c'est via internet ou voilà. Enfin, en gros, ils avaient reçu des menaces de FAF, comme quoi, voilà. Du coup, ils ont dit ouais, ça serait cool d'être présent. Nous, on a dit bah oui, comme d'habitude, on vient. Mais bon, c'est vrai qu'on était peut-être plus nombreux parce que les vacances étaient finies, voilà, ça passait comme tout le monde. Du coup, on s'est tenu en pseudo cortège, mais pareil, toujours pas vraiment organisé. Mais on était un peu plus nombreux à se tenir. Et du coup, les militants de la CGT, on a remarqué en fait les fascistes qui passaient sur le côté. Ils les ont direct interpellés. En disant bande de petits bourgeois de merde, enfin ouais, ils ont cherché tout de suite. Et du coup, on s'est tous mis derrière les gens de la CGT, et puis on a commencé à chanter des chants antifascistes pour qu'ils sachent que voilà, on était assez nombreux. Et c'était une passion sociale, enfin une grosse partie de la passion sociale, c'était entre 20 et 30. Du coup, ils sont tous retournés en fait face à nous en ligne pour nous attaquer. Sauf que nous, on était vraiment nombreux, on a réussi à faire une sorte d'arc de cercle pour les entourer. Il y a eu deux petits contacts avec eux quand même, avec un autre dit, un blessé de notre part, mais bon, c'est pas, voilà, c'est, enfin, c'est, on va dire, bon, c'est pas très très grave, voilà. Mais du coup, ils ont vu que le truc qu'ils ont vu, c'est qu'ils étaient, parce que les deux contacts qu'ils ont fait, c'est que nous, on n'a pas reculé et qu'il y a beaucoup de gens qui ont repris nos chants, même si on était quand même hyper déçus de voir des gilets jaunes qui disent en fait juste tous ensemble, en gros, ben voilà. Et cette fois-là, ils sont quand même partis de la manif pendant 2-3 heures. Ils sont partis, mais juste avant ça, en tout cas, eux, leur position, ça arrivait, gilets jaunes tous ensemble, en nous positionnant du coup directement dans ce truc de guerre de gang, enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça a pu paraître à pas mal de gens. Mais sur ce coup-là, ce jour-là, ils ont vraiment eu une défaite parce qu'ils se regardaient, ils ont vraiment dû quitter la manif pendant... la manif de Lyon, elle dure entre 14h et 20h à chaque fois, c'est un peu long. Et ils sont barrés pratiquement tout l'après-midi, on ne les a pas revus, ils sont revenus à la nuit tombée quand il y avait de la lacrymo de partout. Et là, à ce moment-là, on était beaucoup moins divisés, on les a surpris entre les lacrymos. Bon, on a dit tant pis, on ne peut rien faire. Mais en gros, ils avaient vraiment une défaite jusqu'au week-end qui a suivi. Le week-end qui a suivi, bah nous on était de plus en plus dans l'organisation, on s'est dit bah là faut vraiment qu'on s'organise, parce que même face aux flics, face aux FAF. Du coup on avait fait plein de trucs super, des panneaux en carton mais avec des manches un peu plus gros, une banderole gilet jaune, enfin fâché mais pas facho, il y avait des drapeaux, un énorme drapeau jaune pour qu'on se reconnaisse, des ballons jaunes, une sono, enfin il y avait voilà, c'était un bon truc, on était un bon cortège organisé et tout. Et du coup, on a fait la manif en pensant. On a vu les FAF au début au loin, on les a perdus du coup. Puis on a commencé la manif et c'est la première manif où on sentait bien, où on était vraiment soudés, où on a pu faire des actions à essayer de faire partir la manif dans le centre-ville. Et tout se passait bien. Et en fait, on s'est relâché, je pense, à un moment de notre attention. Et arrivé à un moment où il y avait un gros moment de flottement, en fait, on ne savait pas trop, du clic. Et en fait, on s'est fait attaquer dans le dos par une cinquantaine de mecs bastion social et stade, ouais, qu'on n'avait pas vu venir. et ça a disloqué notre cortège mélangé avec des gilets jaunes, parce qu'on était carrément mélangé avec des gilets jaunes qui n'ont pas compris. Du coup, ça s'est écarté et là, c'était un peu la débandade. Il y a eu quand même plusieurs blessés, mais autant de leur côté que de notre côté. Mais clairement, vu qu'ils étaient plus organisés et qu'ils nous ont surpris, on a dû quitter la manif. On a dû quitter la manif. Quoi. Enfin, c'est des hools, quoi. C'est des hooligans. Il faut que ça se tape, en fait. Ouais. Ils prennent un coup de manche, et puis ils en prennent un autre, puis continuent à donner des coups. Quoi. Ouais, ça, ils étaient beaucoup plus organisés que nous. Et ils étaient là pour se battre, en fait. Oui. Ils étaient là pour se battre. Nous, notre groupe, il avait beau être de 50 ou 60 personnes. Tu as 60 personnes, il n'y a pas 60 personnes qui veulent se battre. Donc, en fait, oui, quand ils font ça à 35 dedans. Et du coup, ça en est arrivé à aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, nous on pensait que on est une équipe. Il y a une équipe qui est arrivée hier soir de Lyon. Nous, on est une équipe. On est parti parce qu'on voulait être là quand même après ce qu'on a eu le week-end dernier. On voulait pas laisser les copains et les copines tout seuls. Par contre, on est un peu déçu du. Ouais, vas-y, au pire. Tu parles de l'organisation. Ouais. Bah, là, aujourd'hui, en gros, on n'était pas du tout organisé. On a commencé la manif et. Bon, au bout de même pas 5 minutes, on a déjà. Même pas 5 minutes. En fait, on a vu qu'il n'y avait pas des gens du bastion social, il y avait au moins déjà plus d'une trentaine de personnes qui n'étaient que du stade. Et que des hooligans du stade, dirigés par un mec du Blue Den Honor qui est au bastion social. Ouais. Et du coup, on a dit, alors là, ça pue. Et en fait, après, on a eu des échos d'autres personnes qui étaient censées surveiller les FAF et qui disaient, non, mais en fait, il y en a encore 20 à tel endroit. Et on a dit, ça, c'est la merde. Et en fait, on a le truc qui nous a anéanti pour la journée, c'est que la manif, elle a tourné dans notre quartier. Et la manif a arrêté dans notre quartier, le quartier populaire et tout, avec en chantant la Marseillaise. Et dirigé par les hooligans et les gens du bastion social. Voilà. Et En fait, ça nous amène à une grosse réflexion qu'on aimerait amener, en tout cas de manière générale. Après, ça dépend aussi des réalités. Nous, à Lyon, il y a une réalité concrète sur le fait qu'on ne peut pas passer en fait une manif si on ne s'organise pas complètement contre les FAF, sans avoir peur, sans ne voir ses potes se faire défoncer devant soi. Il y a une réalité concrète qui nous demande en tout cas de nous organiser là-dessus. Après, nous, là justement, ce à quoi on est confronté dans le milieu militant lyonnais, c'est une division sur les positions stratégiques qui est de plus en plus importante avec des camarades et des amis sur lesquels on a pu pour autant, pendant longtemps, se retrouver. Enfin, on a essayé d'un peu imaginer en tout cas les deux idées en tout cas qui se détachaient dans cette position stratégique. Et donc il y en a une première qui est du coup celle nous qui nous pose problème, qui est cette volonté de s'insérer à la masse des gilets jaunes, ne pas faire bloc, ne pas faire identité, ne pas représenter quelque chose, essayer de découvrir les gens, etc. Nous, pour nous, c'est pas possible de faire ça actuellement. Parce qu'il y a une nécessité très concrète de gérer le problème du fascisme. Et ça amène à des très grosses divisions entre nous, entre des gens qui, comme on peut le comprendre, ont envie de vachement participer au mouvement sans être dans une représentation, dans un imaginaire qui ne parle pas forcément aux gilets jaunes ou j'en sais rien, quelque chose qu'ils n'ont pas envie de mettre en valeur. Et en fait, d'un côté, la nécessité pour plein de camarades qui sont reconnus par les FAF, pour plein de personnes... que ça soit la couleur de leur peau ou en fait leur genre ou quelle que soit la raison, qui sont agressés dans la manif des gilets jaunes. Et c'est pour ça que là, voilà, il y a une division à Lyon sur cette question-là. C'est pour ça que là, stratégiquement, on se retrouve avec 60 FAF en fait dans nos manifs et nous, une impossibilité de pouvoir leur répondre alors qu'on arrive à être 100-150 amis. Et voilà, ouais, il y a cette volonté claire pour certaines personnes de ne pas, par exemple, se ramener avec de bâtons, ne pas parler de facho, ne pas lâcher de slogan antifasciste. Être invisible, quoi. Être invisible, ouais, c'est cette notion d'invisibilité, avec un gilet jaune. Ouais, voilà, mais du coup, de se fondre dans la masse pour qu'il nous arrive rien. Mais nous, voilà, ça nous pose deux gros soucis qui sont et les personnes qui sont agressées, parce qu'elles existent, qu'est-ce qu'on fait? On laisse couler. Et de deux, nous, ça ne nous intéresse pas de faire des manifestations avec des fascistes. Et pour nous, c'est très très important et très très clair que tant que ces personnes-là seront présentes dans nos manifestations, on ne peut pas en fait faire tout ce travail de rencontrer des gens dans lesquels on n'a pas forcément les mêmes réalités, discuter avec des gens qu'on ne connaît pas. Pour l'instant, ce travail, on ne peut pas le faire, quoi. C'est un travail qui est, qui est impossible tant qu'on aura peur de se faire agresser dans nos manifs. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, on était désorganisés parce que les réunions de la semaine dernière, et bah, nous, avec cette notion-là, les gens étaient en mode non, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, cette semaine on vient sans rien, de toute façon il ne va rien passer, si personne les provoque. Et du coup, bah, nous, quand on est arrivé, on a vu qu'en fait, c'était comme la, ça allait être pire que la semaine dernière. Et que du coup, bah, vous que les gens n'allaient pas être prêts, enfin, n'allaient pas être prêts à tenir une ligne, en fait, ça ne servait à rien. Défiler avec des fascistes, comme ça, les suivre. Et du coup, on dit bon, de toute façon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 heures, on a eu des échos qu'en fait, ça a tapé à droite, à gauche, plusieurs personnes, tout l'après-midi. Donc, c'était plus chaud que la semaine dernière, quoi. Donc, je crois que là, on est tous les samedis, ils augmentent quoi, leur force de frappe. Quoi. Là, ils ont vraiment agressé des gens, pas plus ou moins, enfin pas au hasard, parce que c'est quand même des gauches, mais c'est pas des gens qui avaient ni des drapeaux, ni des gilets jaunes marqués pas de facho. Enfin, c'est des gens, voilà, c'est des gens qui ont été repérés avant, plus ou moins dans le cortège. Ils les avaient en vue, ils ont profité de. Parce qu'à Lyon, au bout de. Les manifs, c'est au bout de 15 minutes, il y a des lacrymos déjà. Et en fait, bah, ils ont utilisé le moment où il y a la confusion avec la police et machin, et en remontant, ils ont tapé plusieurs personnes. Et ça allait même, apparemment, ils ont tenu presque une ligne où il y a même des camarades qui ont lancé quand même des pavés au FAF, pour dire la ligne qui pouvait tenir, parce que si tu lances un pavé, ils étaient vraiment en force aujourd'hui. Au moins une soixantaine d'argent. Et quand on dit 60 FAF, ça n'a rien à voir avec 60 de chez nous. C'est 60 gens qui viennent que pour se bagarrer. Oui. C'est des gens qui aiment ça, en fait. Donc ça multiplie leur force aussi, parce qu'ils aiment ça. En fait. Plus ils rentrent avec des blessures, plus ils sont contents. Et du coup, pour conclure sur un peu qu'est-ce que nous, on a envie de proposer, en tout cas sur Lyon, c'est... C'est pas très fixe parce qu'on n'en sait rien encore comment la situation évoluera, mais il y a des textes en ce moment qui sortent un peu, j'ai l'impression, à Paris et dans d'autres villes sur par exemple la nécessité d'un potentiel cortège de tête ou d'un bloc. Là je parle personnellement, mais je pense que c'est des questions qu'il faut qu'on arrive à se reposer. En tout cas nous à Lyon on est obligé de se les poser. Et je pense que c'est là-dedans qu'on va tendre en tout cas par la constitution d'un bloc très clair. Défensif, qui peut se défendre face à une agression fasciste et sortir de l'anonymat en fait. Là pour nous en tout cas stratégiquement c'est plus possible. Après on a eu un petit problème avec la Ligue du Midi, Génération Drifter, qu'on voulait s'incruster au début du mouvement. Tenaient vite fait les ronds-points, parfois ils allaient au péage, mais ils étaient quand même un peu mis de côté par les gilets jaunes. Et bah en fait, nous, perso, on s'est plus ou moins découvert en fait, avec des chants antifascistes pour les virer. Et en fait, les gilets jaunes, quand tu leur expliques ce qui se passe, alors déjà, les gilets jaunes ici sont vachement réactifs, c'est-à-dire qu'ils connaissent les femmes ici, même si c'est des gens pas forcément très politisés. Ils connaissent les familles FAF, etc. Ils les repèrent. Et après aussi, en fait, ils acceptent qu'on se dévoile parfois. Alors bien sûr, faut pas faire que ça. Mais typiquement, plusieurs fois ici, ils balançaient la Marseillaise et derrière, on répondait avec un siamoutou anti-fasciste. Et ça passait. Ça ne créait pas de tension, etc. Ça passait. Je ne sais pas non plus que c'était la fête au village, mais ça passait, quoi. Donc en gros, et puis bah du coup maintenant on a plus de FAF. Pour l'instant en tout cas, pour l'instant parce que... Ah mais c'était là. D'une façon générale. Ouais, enfin je veux dire, ils étaient pas aussi... c'est-à-dire qu'ils se montraient pas avec... parce qu'au début ils étaient en mode tous avec leur béret, leur drapeau, machin. Bon, là il y a plus ça. Après, apparemment ils sont toujours sur les réseaux. Montpellier, le réseau internet de Montpellier. Et ils balancent 2-3 trucs, etc. Mais... Bah après, par exemple, pour vous, pour essayer de mettre un cortège de défense, je vois pas d'autre solution pour vous, quoi. Enfin, je sais pas, je vois pas trop... On y va plus. Ouais, mais voilà, c'est ça. Ouais. Même pas que défense, hein, parce que moi, je suis d'avis qu'à un moment donné, en fait, on va pas... Ouais, on avait la gueule comme ça gratos, qu'en fait, c'était pas point barre. Ouais, clairement. On n'a pas justifié, sauf que c'est tellement compliqué d'un milieu en général, et puis des gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, Lyon, je te coupe, ouais. C'est que si il y a pas mal de personnes qui viennent aussi de la campagne de Lyon. Donc pas mal de personnes qui s'idolâtrent plus à gauche qu'à droite, je pense qu'ils sont plus à droite. Donc il y a ça aussi, par exemple dans les assemblées générales des Gilets jaunes, on essaie d'aller tout le temps, de prendre la parole et de dire qu'en fait c'est important et qu'en fait ce problème-là existe et qu'en fait c'est pas une guéguerre de bandes, de gangs, ou je ne sais pas quoi, et c'est qu'en fait à chaque fois il tape des Gilets jaunes, des gens, donc à un moment donné il faut reprendre. Et dans l'assemblée, il peut y avoir 500 personnes, jusqu'à la dernière 200 personnes, et bah, tu n'avais pas forcément la moitié qui applaudissait et qui était hyper d'accord. Quoi. Donc c'est vraiment... Après, si on peut espérer mettre un bémol, c'est bon, cet âge n'est représentatif de rien, le gilet jaune. Mais bon, tout de même, voilà, même dans cette assemblée qui est à la Bourse du Travail, donc un lieu qui, historiquement, est un lieu syndicaliste, bah, même dans ces assemblées-là, en tout cas, il y a des gens qui me répètent que c'est... un problème entre l'extrême gauche et l'extrême droite, parce qu'ils ne sont pas les gilets jaunes, etc. Tout à l'heure, tu as parlé de gérer le fascisme, mais concrètement, en quoi, c'est quoi les limites que vous vous donnez? Parce que c'est important aussi, parce que vous avez forcément des limites, qu'elles soient au niveau de la santé, qu'elles soient au niveau de... Parce qu'en soi, gérer le fascisme, il peut se faire de plein de façons, et ça peut aller... Il y a des gens qui ont été résistants, donc... Vous êtes... C'est le souci, c'est que vous êtes bloqué, vous donnez des limites, ou c'est... quelles sont vos difficultés, en fait, par rapport au fascisme à Lyon? C'est le fait que vous ne soyez pas beaucoup, c'est que les actions qui serviraient, elles sont peut-être trop dangereuses, et que, du coup, c'est limité, vous ne pouvez pas les faire, ou... Quelles sont les limites que vous vous donnez, en fait, à votre lutte? Je pense qu'il y a plusieurs questions. Je dis, c'est la question de l'urgence, c'est-à-dire que nous, à Lyon... on se retrouve tout le temps à la réaction, parce qu'ils sont toujours en action, donc on est tout le temps dans l'urgence et l'émergence de répondre à une manière plus vite possible et plus concrète possible. Donc il y a ça, et que du coup on prend beaucoup la tête et qu'on est tout le temps stressé et on essaie de régler ça le plus possible. Puis il y a aussi la question que le milieu militant, il n'est pas soudé. Et du coup, ça fait qu'on n'est pas nombreux. Sur cette question-là. Sur cette question-là, et pas nombreux et nombreuses, et que... qu'on en veuille ou pas, on ne peut pas tenir avec le nombre des FAF et leur organisation. Vu qu'il n'y a pas une co-organisation avec le milieu militant, un peu radical, et on peut pas tenir la route. Non, mais je dis qu'il y a des actions qui peuvent être hyper plus radicales. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous mettez une limite, par exemple, des solutions radicales, je parle, c'est-à-dire... L'élimination physique, pour gérer le fascisme, peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous donnez des limites précises, ou la difficulté, elle est là, ou si... Bon, à quoi de kidnapping, quoi. Non, c'est pas ça, mais... En fait, il y a la question de la réflexion. En fait, c'est ça, c'est la limite de par rapport à vous, votre liberté. C'est pas mal de limite, parce que... Il y en a déjà vous beaucoup, pouvez pas envisager ça. Il y en a déjà beaucoup qui sont beaucoup cramés de chez nous, et il y en a plusieurs qui risquent la prison. Et qui, comme on a fait l'exemple tout à l'heure, en fait, tu dis ça, c'est un RG, tu touches ni rien, tu ramasses 18 mois de prison, quoi. Tu vois. Donc imagine-toi, tu vois, après, on n'est pas contre, on n'est pas contre. Après, moi, je pense aussi il faut réussir à pas être... hors sol non plus, quoi. Il y a aujourd'hui, par exemple, demain, par exemple, quelqu'un organise je sais pas quoi, qui fait super local de fac, je soutiendrai. Aujourd'hui, par contre, est-ce que dans les faits, avec la répression qu'il y a derrière, avec la réalité populaire, etc., qui est autour, est-ce que ça a du sens? Je sais pas, j'ai pas de réponse à ça. Mais on essaye aussi de voir nos actions pour qu'elles prennent du sens, en fait, aussi dans le contexte dans lequel on est. Et ne pas non plus se décrocher totalement, en fait, de la réalité pour paraître... pour ne pas... être une cible pour tout le monde. Ouais, et puis déjà pour ne pas être une cible principale sur laquelle tous les flics vont s'abattre. Mais aussi, en fait, pour avoir encore du sens, pour pouvoir encore avoir du lien, en fait, avec les gens, en fait. Ouais. Rien que ça, en fait. Et si on se déconnecte trop, en fait, d'une réalité... moi je pense qu'on se perdrait, mais après c'est une question qu'on peut toujours tous se poser. C'est pas notre groupe, c'est pour ça que depuis deux ans, on va dire, on essaie aussi de travailler sur comment rendre populaire l'action directe, en fait. Après l'action directe, ça va de là à là, c'est beaucoup. Mais nous on est plus sur une stratégie, là pour l'instant on a essayé de tâter une stratégie qui marche pour l'instant, parce que notre groupe a participé à des gens, on a participé à des actions... direct contre les locaux fascistes de Lyon qui n'avaient pas été faites, qui n'avaient pas été, voilà, on prend un peu ce qui marche en ce moment, c'est les réseaux sociaux, C'est les photos, c'est les vidéos et tout en voyant, voilà. Et du coup, ben, c'est pour ça que si vous avez vu la vidéo du mirage du Bastion, en fait, c'est du symbolique, ça joue avec la musique, ça joue avec le sourire aussi, ça fait sur les gens en leur disant, voilà, c'est une action peut-être directe, peut-être dangereuse, peut-être c'est illégal, par contre, on vous fait rire avec, et voilà, pour dénoncer quoi, vous dénoncez, derrière, il y a quand même du fascisme, et voilà, et on n'est pas si méchant que ça, mais aidez-nous, en fait, en gros, c'est un peu ça, aidez-nous et soutenez-nous sur l'action directe. Et c'est un peu une stratégie, voilà, qui, pour nous, en général, en France, dans le monde, ça marche un peu en ce moment, c'est le truc, ça vient, en Grèce, ils le font avec le groupe Polykonas, les Parisiens l'ont fait avec leurs attaques filmées des locaux, à Lyon, avec la section d'Ali, avec les masques de Casa de Papel sur le local identitaire, et la musique et tout, en fait. On joue avec ça, avec le symbolisme et tout, pour essayer de... Parce qu'en fait, à Lyon, il y a aussi cette peur, et les gens, ils ont eu peur de traverser en fait, la Saône, pour aller dire, faut virer les fachos. Donc, si on peut redonner un peu de confiance aux gens, en disant, regardez, ils sont pas si horribles que ça, on va murer leur truc, machin, et allez, on y va à 300, et enfin, voilà, c'est... Pour l'instant, c'est ça. Je vais demander ce que je dis, parce qu'en fait, il y a une volonté... Enfin, pour nous, il y a une volonté de créer un imaginaire qui peut... paraître accessible en tout cas, accessible et rejoignable. Et je sais pas, moi ce qui m'a fait penser que pour l'instant il fallait qu'on continue dans cette direction, c'est que suite par exemple aux actions qui ont été tournées, enfin qui ont été filmées par exemple sur le local des Faves du Bastion Social, suite à ça, le 1er mai, il y a eu tout un cortège de jeunes et de camarades qui s'est déplacé à 70 en direction du local pour défoncer le local. Et c'est, ça participe à cet imaginaire-là, et du coup à continuer de le filmer, de le mettre en relation avec beaucoup d'actions. Et pour nous, c'est là où ça a du sens. Et si quand on fait des petites actions à 10, 15, et que derrière il y a 70-80 personnes dans une manif qui décident de faire encore plus, et bah parfait, c'est exactement ce qu'on veut, quoi. Puis c'est la stratégie, c'est aussi comment les affaiblir. C'est-à-dire qu'on va toucher à plein de trucs pour savoir en fonction comment ils vont réagir, comment les gens autour vont réagir. Parce que, bon, pareil, ça sort un peu, mais on parlait des gilets jaunes aussi tout à l'heure. Nous, ce qu'on a vu aujourd'hui dans votre manif, et en discutant avec certains d'entre vous, c'est que vous n'avez pas spécialement de problème vis-à-vis du positionnement des gilets jaunes qui ne sont ni militants, ni ou quoi que ce soit vis-à-vis de la question. Nous, ce qui s'est passé plusieurs fois quand même, c'est que soit ils sont dans la position, voilà, on est gilets jaunes tous ensemble et ça arrange vachement les pas, voire pire, on a eu énormément de réflexions du style entre guillemets, nous les nazis ça nous dérange moins que vous, quoi. Donc on a aussi dans notre stratégie vis-à-vis de la question de comment, quel type d'action, les limites qu'on a, c'est aussi de entre guillemets de toucher à tout pour les affaiblir, enfin pour les affaiblir, et ça sert entre guillemets, il y a des actions, bon des fois on se fait plaisir, on fait des trucs qui nous font plus envie, mais quand même l'idée derrière c'est de se dire, est-ce qu'on va pas faire un truc qui va les renforcer? Est-ce qu'on va pas faire un truc qui va nous affaiblir, etc. Donc voilà, c'est réflexion générale de... La police, elle doit nous aider normalement. Elle est payée par qui? Par tous ceux-là qui sont ici qui payent les impôts. L'État, c'est qui? L'État, c'est qui? C'est nous, l'État. Ah bon? Ben oui, c'est ceux-là qui payent les impôts. De quoi ils vivent, les riches, là, les préfets, les Macron et tout cela? De quoi ils vivent? De nos impôts. Oui, monsieur. Et c'est ça, il faut que ça change un peu. Après, nous, on ne croit pas à la police. Mais On ne va pas demander à la police. Oui, la police, elle doit nous aider. La police, parce qu'on paye des impôts pour eux. Ça nous aidera jamais. C'est pas l'État. Ouais, la police, elle est en lien avec ces groupes-là et ça a été prouvé. La police, elle est faite pour protéger les services du capital. Il faut le mettre dedans. La police, elle ne va jamais nous aider. Moi, je suis trop vieux. Non, nous, à Lyon, il y a clairement plus une alliance, elle est claire avec la police et les fascistes. Partout en Europe. À Lyon, par exemple, nous, ce qui nous a choqué quand on a fait les manifs à Paris, bon, il y a quelques années déjà, les premières manifs. Qu'est-ce qui a sorti l'euro? Attends. Les premières manifs qu'on faisait à Paris, nous, ce qui nous a. On était sortis de Lyon, on n'était jamais allé à Paris il y a quelques années. C'est que les gens de la BAC, c'était que des lascars. Alors que nous, c'est des, ils ont tous des têtes de nazis, en fait. Ils sont rasés, ils sont habillés à chaussures de bande, grosses vestes en sdale, ils s'affichent. Et là, ils s'affichent parce que voilà, gros truc bleu, blanc, rouge sur le machin, ça n'a rien à voir avec. Voilà, et nous à Lyon, voilà, on sait qu'il y a des liens clairs. Et ouais, clairement, de toute façon, la répression à Lyon sur les antifas, on la voit. Enfin, je sais pas s'il y en a qui étaient là il y a deux ans à Lyon, on a essayé de faire une manif internationale antifasciste. Donc, du coup, on s'est fait interdire. On a dit, bah vas-y, on fait quand même un rassemblement pour ceux qui sont là. Donc, on a fait un rassemblement sous la pluie à 150. Et il y avait 1200 policiers, deux canons à eau. Et on s'est tapé une double nasse. Et on s'est tapé une double nasse. À 150, on mobilise autant de flics que presque pour les gilets jaunes le week-end. Enfin, c'est pour vous dire en fait comment on nous met dans un monde de rêve de la police, enfin, ils nous prennent pour des terroristes. Et même une fois on avait eu un soutien à un camarade qui était justement en garde à vue, on avait été en soutien au commissariat, franchement on était 20 assis sur le sol, ils avaient bouclé le quartier. Des CRS partout, ils avaient bouclé le quartier. Mais d'un côté, ils vous prennent au sérieux, ce qui est une bonne chose aussi. Mais ce qui est marrant, parce que quand t'es 20, t'es assis sur le sol, qu'ils arrivent, qu'ils te font d'anas, t'es là, tu crois qu'on va faire quoi? On va arriver avec des calages. Si on vous ignorait, je pense que là, ça serait plus. Après, Mathieu Ribos, il écrit aussi dans ses livres que c'est proportionnel, enfin la police, la répression, tout ça, c'est proportionnel au danger que tu peux leur apporter. Bien sûr, mais après. Je suis d'accord, mais du coup, c'est vraiment visuellement, ça réussit. C'est ça, parce que du coup, nous, par exemple, ça nous a posé. Il y a eu un moment où on a dû très, très sincèrement se poser la question, est-ce qu'on appelle encore à faire des choses en fait? Est-ce qu'on appelle à des rassemblements? Est-ce que nous, on appelle à des manifs? Pour l'instant, c'est une position qu'on a mis en suspens, totalement. On ne peut plus appeler seul à une manifestation, on ne peut plus seul appeler à un rassemblement, c'est plus possible. Sauf cas d'urgence, tu vois, que par principe, s'il y a un truc à nazi, ben on va pas faire, par principe on le fait. Mais on peut plus organiser à l'avance une manif, ça c'est plus possible en tout cas, pour l'instant. On peut plus, ça c'est une des limites que nous a posé la répression par exemple. Sinon, ça veut dire qu'on emmène tous les potes à se faire nasser pendant 3 heures et à se prendre leur identité. Je suis pas sûr que ça soit hyper pertinent aujourd'hui dans nos luttes d'être encore plus fichés. Peut-être changer de tactique et faire ça dans l'ombre, je sais pas. C'est ce qu'on essaye. Ouais. C'est comme touche à tout, en fait. On essaye. On essaye, oui, c'est ça. C'est pour ça que ça nous prend beaucoup. Enfin, à Lyon, c'est. Ouais. Ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que là, les gens, comme les FAF, comme elle disait, en fait, les FAF sont organisés, bah, nous c'est pareil, on est obligé de. En fait, pour l'instant, c'est eux plus ou moins qui nous donnent notre agenda politique. On rêve de prévoir des trucs à long terme, sur 2 ans, 3 ans, des trucs de quartier, des trucs comme ça, et à chaque fois on se fait rattraper par la politique des fascistes ou du gouvernement. Mais pourquoi ils sont mieux organisés que nous? La question, déjà, ils ont des locaux, déjà, des moyens financiers. Moyens financiers, des locaux, et puis. Une force nationale aussi, ouais. Enfin, c'est-à-dire, je veux dire, nous, on est un groupe lyonnais, mais les locaux, en fait, vous avez la butine, vous avez des machins, vous avez des endroits où vous retrouvez. Et puis, même, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on organise des trucs, la police aussi met de la pression à ces locaux. Parce qu'en fait, on peut vraiment, en fait, ça les fait chier qu'on fasse des trucs, qu'on réussisse à faire des trucs. Et la police sont capables d'appeler les locaux là où on organise quelque chose pour leur mettre la pression, en fait, en mode vous refusez la soirée. Et en fait, ça arrive. C'est déjà arrivé. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui font qu'on est quand même limité. Oui, il y a des endroits où on peut se retrouver, etc. Mais ça, c'est pas pareil que quand t'as un bar qui est quand même plus ou moins ouvert au public, même si bon, on sait que c'est pas tout à fait le cas. Et où vraiment tu peux brasser des gens, discuter, construire vraiment des choses intéressantes. En fait, nous, on est toujours en réponse parce que ils sont vraiment très nombreux, quoi. Et ils ont de l'argent. On n'est pas sur la même base déjà de départ, et financièrement, mais aussi au niveau de la justice, quoi. La répression, c'est évident à chaque fois. À chaque fois, la répression est complètement différente, que ce soit l'extrême droite ou. Nous, quoi. Et là, moi, je pense au dernier procès qu'il y a eu sur des camarades antifascistes qui ont été plantés dans le dos à coups de couteau alors qu'ils étaient mineurs. Bah, le mec a pris. Le plus a pris 2 ans, mais tout le reste, il y en a qui ont pris 6 mois de sourcil. Alors que dès que. Je sais pas si c'était l'inverse et que c'était un militant. un ami ou un de chez nous qui aurait fait ça, moi je pense qu'il serait déjà en prison. Quoi. Et ça c'est sûr et certain, quoi. On n'a pas la même répression, on n'a pas les mêmes, on n'a pas le même argent qui nous permet de, eux ils ont une com énorme, et puis l'accès à des, enfin, par exemple rien que sur le squat qu'ils ont ouvert, c'est le squat à Lyon qui est quand même bien développé, et pourtant jamais des amis squatteurs se seraient permis de tenter d'ouvrir un lieu là où ils l'ont ouvert. Si, on l'a fait. Enfin, à côté, pas loin. On a au Valeur Radar, on a dans le 5ème, dans le 5ème, là c'est au Carnot, c'était pas la Mercière. Ah non, Valeur Radar c'était 5ème, à côté de la Gare Saint-Denis. Je parle des squats des fascistes. Ils ont ouvert à l'entrée de la rue Mercière, la rue où il y a tous les restaurants les plus connus de Lyon, en fait. C'est l'endroit. Ah oui, c'était impossible, non, on n'aurait jamais osé ouvrir en tout cas à cet endroit-là, en plein centre-ville, vraiment bourgeois de Lyon. Et eux, bon bah voilà, ils ont réussi à tenir 2 semaines. Avec une grosse com, tout le temps là. Un truc, nous, le lendemain, ce serait fait pêche, mais direct. Enfin, c'est déjà passé en fait à cause de lui, on a essayé d'ouvrir et ça a été grillé. Et d'ailleurs, le squat qu'ils ont ouvert avait d'abord été tenté d'être ouvert par des amis. C'est des cinémas là. Non, c'est les anciens trucs de la. Ah, la partie de. Voilà. Après, c'est de la résistance, hein. Ouais, mais clairement, ouais. Ouais. Après, puisque. Bien sûr, mais c'est qu'en fait, en vrai, on arrive dans un lieu comme ça, par exemple, on se dit, putain, quand même, ce serait bien d'avoir genre un truc, un lieu, quoi. Mais à chaque fois, on se dit, à chaque fois qu'on y pense, on se dit, ouais, mais on a un lieu, le lendemain, on est attaqué par les femmes, par la police, bah, en fait. En fait, c'est impossible, on ne peut pas le tenir. En l'état actuel des choses à Lyon, en fait, on ne peut pas tenir un lieu. Vous ne pouvez pas demander à des amis de vous aider à ouvrir un lieu et l'alliance avec les squatteurs. Du coup, pour les seuls squats qui ont voulu être politisés, tu peux en parler. Hein. C'est pas qui ont voulu. Régulièrement, ça arrive à Lyon. La répression était énorme. Par exemple, je sais pas, même les fois où on a voulu organiser des trucs dans certains squats, par exemple, même au nom de la gale, tout de suite, ça avait des pressions, les flics étaient direct présents. C'est dur, tu vois, même à Lyon, en vrai, les squats, aujourd'hui, ils tiennent pas plus de 7 mois. Franchement, là, les dernières années, nous, en tout cas, avec les potes, ce qu'on a pu réussir à ouvrir, c'était ça le maximum, c'était 7 mois à chaque fois, quoi. Même s'il y a toujours des exceptions qui peuvent durer 2-3 ans. Mais du coup, c'est super dur de s'inscrire dans un truc de long terme, quoi, d'implantation. Alors que, c'est, par exemple, voilà, nous, on est vachement intéressés par les tactiques italiennes antifascistes, où ils sont vraiment implantés dans un quartier, qu'ils tiennent leur quartier, que les gens les connaissent, etc. Ça, c'est des trucs que nous, on adorerait faire à Lyon, mais pour l'instant, ça nous paraît hyper lointain, quoi. Et vous ne pouvez pas créer des assos écran, par exemple? Le seul truc qu'on a réussi à tenir à Lyon pour l'instant, c'est le festival Lyon Antifa Fest, qui dure depuis 6 ans. Ça va être la 7e année l'année prochaine. Et ça, c'est sous une forme d'assaut. Et c'est pour ça qu'on n'est pas attaqué par la police. Mais moi, je fais partie de l'assaut. Mais en fait, ça fait 6 ans. Des pressions à chaque policière, à chaque événement. On a quand même les renseignements généraux de Lyon. Qui, comme des cons, ils ont cru que la salle, parce que c'est une vraie salle qu'on loue, avec une sécu, des assurances, on paye la SACEM, enfin voilà, tout le monde. Donc ils ont pensé que ces gens-là n'étaient pas de notre côté et ils sont allés les interroger. Sauf que nous, ils nous ont appelé direct et ils ont dit on a eu machin, des renseignements généraux. Et c'est des gens qu'on connaît, qu'on sait très bien que c'est des renseignements généraux. Et ils ont posé plein de questions sur notre mouvement, ils voulaient avoir les noms de qui organisait, qu'est-ce qu'on disait pendant nos concerts. Enfin, on est systématiquement. Ça fait. On fait un concert par an, enfin un festival de 3 jours par an. Nous, on a systématiquement la SACEM qui vient à chaque soir, alors que les gens de la salle ils disent putain, mais vous avez pas de chance, la SACEM vient à chaque fois au vos concerts. non, c'est pas de chance, c'est juste que c'est aller les contrôler, tu vois. Parce que le seul truc qu'ils vont pouvoir faire avec notre festival, c'est le jour où on va se planter au niveau de l'argent, en fait, où on va faire un truc illégal associatif. Et là, c'est pour ça qu'ils nous recrutent, mais en fait, là, ils ont un peu la haine parce qu'ils n'arrivent pas à faire venir le festival pour l'instant, mais on a quand même des attaques. Mais par contre, on a dû se mettre dans tous les trucs droits, en fait. Une association avec les papiers, les carrières en préfecture, les assurances on paye, les SACEM on paye, les impôts, les machins. Et on est obligé d'être comme ça. Si on bouge un petit doigt, on se fait défoncer. Et c'est chaque année, ils essayent de mettre une pression, de faire partir le concert en sucette. Les premières années, ils ont entouré le concert de CRS. Bon, ils ont vu que ça servait à rien, que les gens ils s'en foutaient, donc bon, ils ont arrêté. Ouais, plein de trucs, ils ont essayé d'arrêter des gens autour avec les gens de la BAC qui provoquaient devant le concert. C'est peut-être au lieu d'organiser des concerts, essayer d'avoir un local comme ça. Créer une association écran avec des personnes qui n'ont. Ah, ouais, qui après, n'ont clairement. Après, ça peut se finir par savoir, mais une fois vous avez, je sais pas, le loyer, un truc officiel. Ça doit être beaucoup plus difficile ouais. de vous expliquer. C'est sûr, après, c'est financièrement. C'est de tourner un peu le. Et à la fois, ça pose aussi la question de. En fait, on est du coup super localisable, en fait. Enfin, tu vois, c'est plein de questions qu'on doit se poser et qui, pour le moment, nous, c'est évident que là, tout de suite, maintenant, on ne peut pas partir dans cette voie-là. Parce qu'on voilà, on est déjà en train de s'occuper de beaucoup de choses en même temps, qui nous demandent bah, même le LAF, qui est la seule chose légale. La seule un peu d'aventure légaliste de la GAL, ça demande énormément de travail aux amis qui sont dessus. Et voilà, et la peur aussi de la fois où on se loupera un tout petit peu, qu'ils avoinent. Quoi. Donc là, se rajouter encore dans un nouveau truc, une nouvelle procédure légaliste qui. Là, ça nous paraît plutôt compliqué, quoi. En fait, clairement, nous, à Lyon, c'est ça le truc qu'on essaie de dire aux autres gens du milieu, en fait, qui, des fois, nous prennent pour, je sais pas, sur des illuminés, ou, ils pensent que le problème fasciste, c'est secondaire et tout. C'est le problème, c'est que même eux, ils le voient pas, mais il y a plein de choses qu'ils ne font pas à cause du problème fasciste. Même s'ils disent que c'est secondaire, il y a quand même des bars, clairement, à Lyon, qui sont de gauche, qui sont, jamais... Ils nous accueilleront en disant le groupe antifasciste Lyon fait une soirée dans notre bar. Mais ça, jamais ils vont le faire parce qu'ils vont être fichés et par les flics et par les FAF et ils ne veulent pas. Et en fait, ça, c'est certains bars. Pas tous, hein, mais il y en a certains qui ne le feront pas. Et il y a certains squats, quand ils ont trop de pression, c'est pareil. Ils se disent la pression policière, si c'est vous qui. Tous, ils l'ont déjà fait. Après, on n'a pas envie de. Ça fait 4 ans que je suis plus, mais ça craint s'ils font ça, parce que du coup. C'est ce qu'ils ont une pression policière. Après, la pression est vraiment existante, quoi. Par exemple, tu vois, l'année dernière, pour le LAF, en fait, ça fait. Du coup, ça fait 4 ans qu'est le LAF, il fait que 2 soirées. Pas prix libre, du coup, c'est tout le cancer et tout. Et du coup, il y avait pas mal de gens en ligne, mais c'est pas. Terroriste. Oui, mais c'est pas tout, il y a tout le monde, c'est cher, du coup on a dit bon, pas de soucis, on va faire une soirée à prix libre le jeudi, du coup on va faire 3 soirées de concert et tout. Sauf que l'année dernière quand ça a essayé de le faire, c'était tout programmé dans un squat à Lyon, tout était ok, et 2 jours avant, il y a la police qui allait au squat, qui a mis un arrêt préfectoral en disant cette jour-là, il n'y aura pas de soirée, et il y aura les camions de CRS, de quoi rien. Donc les gens et flippent du milieu, mais non, ils nous appellent, en fait il n'y aura rien, des groupes de boulets. En fait, déjà les groupes qui sont rentrés, du coup on a dû aller voir dans la journée, dans la soirée. On a eu voir d'autres gens les soupliant, mais vraiment à fond, avec les larmes presque. En mode, en fait, on n'a pas le choix, les groupes peuvent le payer. C'est une soirée, déjà, il n'y a pas le choix. Quoi. Et les gens nous disent, pas de souci, mais vous n'affichez pas le lieu, l'adresse et tout. Vous donnez l'adresse mail. Du coup, pas de souci. Et pareil cette année. Et ce soir-là, les flics ont mis un moment à comprendre où la soirée, mais quand ils ont compris, ils sont venus à 3-4 camions de CRS. Devant le lieu, ils ont menacé Caravol, ils ont dit, écoutez, il était 11h45, ils ont dit, si à minuit la musique n'avait pas coupé et que vous ne l'avez pas coupé, on rentre dans le lieu. Donc clairement, les gens du lieu. Ils n'ont pas le droit. Ouais, mais ils n'ont rien à foutre. En fait, là, il y a la réalité sur les squats à Lyon, elle s'est complètement transformée. Nous, là, ça fait plusieurs soirées, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de squats d'activité à Lyon. Mais sur les derniers mois, sur les squats d'activité, on a connu plusieurs fois les flics qui prennent le bélier pendant une soirée et qui défoncent la porte et nous à résister dans le squat. Enfin, en ce moment, c'est aussi ça la réalité des squats à Lyon. Et du coup, oui, ils n'ont pas le droit, mais en ce moment, ils le font. Quoi. Rien à foutre. Et du coup, on va être là cette année aussi pour la première soirée encore prix libre du LAF. Tout a été prévu depuis 6 mois, avec des bons groupes et une belle tête d'affiche. Et sauf que, bah, pareil, trois jours en avance. Une semaine avant, bah, les gens du lieu, en fait, la police est venue, elle nous a mis d'après le champ avec la mairie et tout. Du coup, bah, bon courage pour trouver un lieu. Merci. Et du coup, on était comme ça, à barre de lieu. Enfin, on était presque 90% sûr de ramener la soirée. Sauf que, bah, du coup, on a mis un peu la pression à le seul lieu qui existe encore à Lyon, qui est illégal. Et puis, du coup, ils nous ont dit, venez, pas de soucis. Mais du coup, il était hyper petit. Du coup, on a dû amener quand même un groupe. Après, voilà, c'était quand même une bête de soirée parce que, du coup, les gens ils sont venus. C'était trop cool. On avait pas mal d'argent. Mais voilà, quoi. Et la réalité, elle est là, c'est qu'en tant qu'antifa à Lyon, ben, les gens ils veulent voir le fascisme comme un truc secondaire, mais finalement, parce qu'on est bloqué pour plein de choses finalement à cause de ça. Et la preuve, la dernière preuve, ben, c'est les gilets jaunes. Tout le monde a voulu aller aux gilets jaunes en mode, bah voilà, on met pas de drapeau politique au cœur, on met pas de drapeau politique, on va dans le truc. Sauf que la réalité nous a rattrapé, c'est qu'on a beau avoir pas de drapeau, pas de slogan, rien, on se fait défoncer par le fascisme. Et qu'on est. On arrive au point d'aujourd'hui, où on est en train de réfléchir après la manif d'aujourd'hui, qu'on va devoir du coup se réorganiser en tant qu'antifa pour les prochaines manifs gilets jaunes. Et en fait, on n'a pas le choix. Les gens, certains dans le milieu, c'est pour ça qu'on n'est pas tous d'accord, parce qu'ils pensent que c'est un problème secondaire, mais finalement, c'est pas un problème secondaire, parce que là, il a rattrapé tout le monde aujourd'hui. Enfin, nous, la gale, on s'est tous cassés. Hein, début de la manif, les gens, il y a des potes à nous qui sont restés, mais pas identifiés, et il y a plein de gens qui se sont fait taper, qui n'ont rien, rien à voir. Qui sont pas dans notre groupe, enfin qui sont pas affichés antifa, ça les a pas empêchés de se faire taper dessus. Donc, on a eu un de nos membres aujourd'hui qui s'est fait. Un membre aussi. Un homme qui s'est fait rouer de coups par Sifaf au sol. Voilà. Enfin, il y a des réalités. Ouais, parce qu'il allait défendre des gens qui se faisaient déjà taper en fait. Il était en train de défendre un syndicaliste qu'on connaît qui était en train de se faire attaquer par les FAF et il veut dire que ce soit chez nous ou des copains. Tout le monde y passe quoi. Et surtout qu'en plus là les FAF ils s'amusent à afficher en fait en ce moment. Donc c'est pareil, à chaque réunion d'organisation, de toute façon, et c'est clair, c'est que maintenant les FAF ils nous ont repérés, ils connaissent nos gueules. Bon, nous la gale, bon ben on est plus souvent sur le terrain, on est sur internet, etc. Donc ils nous connaissent. Mais là c'est de plus en plus, c'est que tous les gens qui sont avec nous se font afficher, ficher. Et donc du coup, s'il n'y a pas une vraie organisation d'éther derrière. Enfin, ne serait-ce que dans l'imagerie du bloc, quoi, qui est vraiment un bloc où on peut se tous tenir ensemble, on va continuer à se faire maraf, quoi. Non, on va plus aller, tout simplement. Oui, la fin du truc, c'est qu'on n'y va plus, et c'est une immense défaite politique. Ouais. Ah bah ouais. Pour le camp de la gauche en général, et notamment du camp antifasciste, et de toute façon, enfin, au vu des revendications actuelles du mouvement, enfin, je veux dire, c'est des revendications que notre camp défend depuis, je sais pas combien de dizaines d'années, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la revendication, même il y a 2 ans, quand on se battait contre le travail. Donc se faire virer de nos propres mouvements, on devrait être là, appuyer les masses, etc. On se fait têche. Enfin, tu vois, il y a des moments, voilà, on va pas se laisser faire, c'est clair. En tout cas, je pense qu'on est bien là, on est bien parti, on est déterminé, mais voilà, ça va être encore retravaillé, réessayé, de nouvelles techniques, etc. Juste un point, par contre, enfin, je sais pas vous, mais en fait, ce qui est cool pour les gilets jaunes, pour qu'ils comprennent un peu la politisation, c'est de tracter, de parler avec eux avant de chercher entre guillemets, j'ai mis entre guillemets, à imposer une forme de lutte en fait. Et généralement, le tract. Après, je connais pas du tout chez vous, mais ici, quand on tractait, etc., ça permet de diffuser des idées, et puis tout ce qui est formation anti-REP et aussi cortège de défense, ça a bien marché ici. Ok, ouais. La caisse de sang, qui est une action, tu vois, qui est plutôt située à gauche, plutôt libertaire, etc., vraiment fixée, elle a vraiment pas mal marché, même au sein de tous les gilets jaunes. Ça, c'est bon. Le coup des tractages, ça a été tenté la semaine dernière. C'est des tracts pas clairement antifascistes, mais c'est un petit journal, comment ça s'appelle, Gilets jaunes, La vie en jaune, okay. Avec plein de trucs. Donc un paragraphe sur anti-REP, un paragraphe sur la violence policière, un paragraphe sur l'antifascisme. Mais vraiment très, pas vraiment orienté pour un public vraiment large et tout. Et bah, les camarades qui distribuaient ça, ils en ont distribué très peu parce qu'ils se sentaient très très mal à l'aise et en danger en distribuant parce que ça se voyait quand même au bout de quelques phrases que c'était quand même plus à gauche. Et vu l'environnement de la manif Gilets jaunes à Lyon où les FAF sont vraiment mélangés, ils se sentaient vraiment pas en sécurité. C'est là qu'on sent nos limites, on dit mais là, c'est pas comme d'habitude, on peut pas les tracter, attention. Les gens vont pas dire ah oh, bah oui, je rate. À tout moment, nous, il y a 2 semaines, quand on a réussi à virer les FAF quand même, il y a un des porte-parole du bastion social qui passe devant nous, on fait putain, qu'est-ce qu'il fait avec vous ? Il passe devant nous et là on le voit à 2 mètres de long, on dit bonjour à sa petite cousine de 12 ans, sa mère, machin. En fait, il y a leur famille dans la manif. Et la famille du porte-parole du PS, ils étaient juste derrière. Ils sont pas affichés, ils sont pas un drapeau forcément français et tout, ils sont comme ça. Et on s'est dit, putain, mais... En fait, c'est mélangé aussi. C'est, ils ont leur famille, et leur famille, elles sont de leur côté quand même. Enfin, donc, ils ont leur famille dans les gilets jaunes. C'est quand même très... En fait, il faut qu'on fasse... On se sent pas bien. On est comme ça sur le qui-vive. Et pourquoi on se sent pas bien, c'est comme il disait le gars, c'est qu'on s'affiche pas non plus aussi. On s'affiche pas, on est reconnu, attention. Du coup, nos camarades nous ont vu qu'on est peut-être en danger. Mais c'est pas clair, en fait. C'est confus. Du coup, je propose, parce que là, après, ça fait quand même un bon petit temps qu'on est comme ça en train de discuter, bah, on peut boire des coups, et puis si vous voulez parler, n'hésitez pas. Merci du soutien en tout cas. Merci d'avoir de nous avoir accueillis. Nous, ça nous fait toujours plaisir de vous donner du temps de vie et voir de ce qui commence à mettre sa fonction aussi. On va en parler. Merci à vous d'être passé en tout cas. Merci. Oh là là.